Cette semaine, on présente le podcast Les collaborateurs. On discute du Montreal Comic Con 2012 et on dérape pendant environ 45 minutes comme seulement nous pouvons le faire. Bienvenue au collectif. Donc, bienvenue à l'épisode 1 de la première saison du collectif. J'ai vraiment réussi à faire une introduction. Félicitations. Merci. À vous, André. Bonne. Bravo, on peut en parler. Les années d'expérience qui rentrent en compte. Donc, le collectif, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est notre podcast que vous écoutez présentement par le biais d'iTunes ou un autre service. C'est tout simplement un projet qui s'est échelonné au... à travers des années, sous plusieurs formes, que ce soit un blog, que ce soit 45 meetings avec des amis autour d'une table, autour d'une bière. Ça s'est finalisé par un podcast, je me répète. C'est vraiment pas facile de faire du live. Hein? C'est pas grave, on va couper mon page. Continue, lâche pas. Ben ouais. Donc, on coupe rien. On coupe rien. Non, c'est sûr qu'on coupe rien. Fait qu'à ce moment-là, c'est un podcast qu'on s'est permis de vous offrir, qui va parler de la culture générale geek. Qui va parler un peu de nos faits et âmes, qui est étrangement lié, par contre, avec un groupe Facebook. Le groupe du collectif, pour être original dans nos noms, les sujets qui vont être apportés au travers du groupe Facebook vont être apportés dans le podcast à ce moment-là. On va pouvoir essayer de communiquer avec vous pour éventuellement peut-être même vous faire venir passer avec nous à l'émission. Le collectif, c'est quoi en général? Ben, le collectif, c'est Mélanie. Mélanie, Eric, salut, et frère, Jonathan, mais qu'on va appeler Milter, parce que ça fait bizarre si on ne l'appelle pas Milter. Je ne me reconnais pas de toute façon. Non, effectivement. donc, présentement, ce qu'on va faire, afin de présenter les collaborateurs, on s'est fait un petit melting pot de questions qui vont faire en sorte que vous allez apprendre à connaître un peu les gens qui vont vous jaser de leur voix. Briser la glace pour apprendre à me connaître. Glace, effectivement. Donc, on va y aller avec Eric. Oh, on commence avec moi. Eric, on commence avec toi. Mais gars, je me sens quasiment nerveux. Puis, t'es chanceux. T'as eu la question numéro 1. Oh. Qui est ta personnalité féminine qui te fait vraiment le plus triper? J'ai vraiment adoré le fait que cette question-là se fait mettre à la dernière minute parce que j'ai vraiment pas eu la chance de penser à ça. Puis, la spontanéité, c'est, hein? C'est bien. Tu sais, c'est. Mais tu sais quoi, vous allez devoir m'aider parce qu'on parle de jeux vidéo. Là, jeux vidéo, ça? Oui, on a oublié de mentionner. My God, j'oublie son nom parce que ça fait longtemps que j'ai joué ce jeu-là. Mais c'était la fille dans le jeu d'Ubi. Ah, c'est quoi cette maudine de jeu-là? Tomb Raider? Non. Tomb Raider? C'est Ubi, non? Ça commence bien. Ah! J'ai un gros ferme. En fait, non. La fille qui prend des photos. La fille qui prend des photos. La fille qui prend des photos. Oh! Elle a un blanc de mémoire complet. Jade, merci. Oui. My God. En tout cas, Beyond Good and Evil. C'était un des premiers jeux que j'ai bien trippé avec une fille. C'est pas Jade, le jeu. Je veux dire, à part du fait que dans Tomb Raider, on ajoutait la caméra pour les seins. Ça, c'était une autre histoire. Je suis sûr c'était Ubi. Pourquoi j'avais ça en tête? Ben écoute, Ubi Eidos, je sais pas. C'est cool. Tout à Montréal. Ben oui. Ubi, voilà. Ubi ont tellement de personnages à succès dernièrement. Dernièrement, vu que Tomb Raider, c'est une légende dans le style. D'un autre côté. Je veux dire Squaresoft, mais en tout cas, c'est ça. Ouais, ouais, encore. Moi, ce qui me surprend un peu, c'est qu'Eric, toi, tu sais, le game guru, pas mal, le gars qui connaît. J'ai oublié le nom, là, ouais. Mais ça me surprend parce que j'étais sûr que t'étais pour me sortir. C'était le jeu de PS1. Puis c'était un jeu d'espion, puis il y avait une fille lesbienne. Oh, Fear Factor! Fear Factor! My tu vois, j'étais sûr que tu me sortais Fear Factor. Le 1 était correct, mais le 2, t'avais des scènes de douche. C'est là. Ça, c'était un petit peu. Mais c'est parce que j'ai jamais été un fan de ce genre de Resident Evil clone weird comme ça. C'était le fun à jouer, mais après le Resident Evil 2-3, quand ils ont commencé à faire plein de jeux comme ça, incluant Fear Factor. C'était Fear Fact, en fait. Fear Factor, c'était pas l'émission où il fallait manger des coquerelles. Ouais, des choses comme ouais. Ça. Avec Joe Rogan. Mais, Rogan. Ce qui est intéressant, en plus de ça, moi, ce que ça m'a toujours sidéré, c'est quand j'étais jeune, j'écoutais Fear Factor, je me suis dit, écoute, c'est une émission qui a totalement de l'allure, des gens qui vont à la télévision, puis ils gagnent une somme d'argent à la fin. À un moment donné, tu vieillis, puis tu comprends, eux autres, ils n'ont pas vraiment d'assurance maladie. Fait que t'as beau gagner 25 000$ à la fin de Fear Factor, là, mais t'as mangé des coquerelles, tu t'es mis dans des conditions physiques et mentales exorbitantes. Puis à la fin, mais tu sais, regarde, si tu tombes malade, là, ça va te coûter combien pour te faire guérir? Tu tombes 25 000$ Ça a essayé de revenir, ça, en plus. Mais ça a revenu dernièrement, mais là, c'est parce qu'on est dans une époque complètement différente. Ah, mais je pense que c'est revenu à la, sous la forme de Call TV. Non, c'était... Oh my God, j'ai regardé Call TV hier. Il y avait une autre nouvelle victime d'animatrice, pauvre fille. Je sais plus quoi quelle heure pour écouter Call TV. Mais ça a changé de nom, c'est plus Call TV, c'est d'autre chose. L'instant gagnant, l'instant gagnant, me semble, ou quelque chose. En tout cas, j'ai choisi mon caractère féminin préféré, c'est Jacinthe... La fille qui a le nom faux, mais qui vient clairement de la Russie, qui animait Call TV hier soir. Straight off the boat. Straight off the boat. Tout ce qu'elle dit, s'il vous plaît, appelez-moi, je ne veux pas être seul ce soir sur cette émission à figurer combien il y a de triangles dans cette image-là. Puis étais-tu apte à compter le nombre de triangles ou tu penses que c'est quelqu'un qui est apte à compter ces triangles-là? Ben écoute, moi, à l'heure où l'émission passe, je pense pas vraiment qu'il y a quelqu'un qui est apte à compter les. En tout cas, j'aime pas ce jeu-là. Fact Jade, Young Good and Evil. On est revenu là-dessus. On va se préparer sur le dérapage qu'on va sûrement s'habituer à, mais ouais, Jade. Non, le dérapage, c'est bien. C'est ça qui va mettre un peu de viande autour de l'os. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais ouais, c'est elle. Je sais pas, elle était cool, elle prenait des photos. Puis le jeu me fait triper en salle. C'était vraiment là, un des jeux. C'était un des premiers, je trouvais ça comme un des premiers clones de Zelda acceptables. Mais qui avait apporté la formule un petit peu plus loin aussi. C'était pas très violent en plus, parce que c'est sorti en même temps que Prince of Persia. Je pense que c'était quoi? C'était WarioWare? Non, mais hey, je m'en rappelle, quand j'ai acheté ce jeu-là, c'était ça puis Sands of Time. C'était une méchante période. C'était le Ubi là, qui venait à In Into His Own. Puis le Ubi qui savait pas nécessairement que sortir deux bons titres exactement en même temps, c'était pour en cannibaliser un. Puis C'est ça. Qui aurait cru que la suite de Prince of Persia 3D était pour être un succès? Non, effectivement. Mais cela dit, j'ai bien aimé elle, j'ai bien aimé le jeu, puis elle était cool. Puis je pense que la grosse affaire aussi que je m'en rappelle lire dans les rubriques, c'est qu'elle avait pas des gros seins. Puis c'était une des premières affaires. Finalement, une dame dans les jeux qui a pas des gros seins. Parce que c'était ça que c'était à date, ton Fear Effect, ben, c'était le des seins. Oui, c'était pas mal les ça. Les fighters avec les grosses boules. Les grosses boules, c'était la grosse affaire pour les femmes dans les jeux. Ben, je pense que ce qui est réconfortant, c'est de voir que c'était juste une mode, puis ça a passé. Ouais. Parce que les seins dans les jeux vidéo d'aujourd'hui, c'est clairement... C'est tout petit maintenant. C'est normal, c'est ça. C'est des gens que... Écoute, c'est des gens que tu pourrais croiser dans la rue, tu sais, c'est ça. Ah ouais, le nouveau Tekken qui sort, là, c'est oui, ça. Oui, écoute, c'était quoi? C'était dans Dinner Alive, Extreme Beach, Volleyball, qui avait mis le Jiggle Effect, ou... Non. Ben, juste celle... De géométrie qui... Le jeu qui va sur un île, là, aussi. Les, c'est ça, bien sûr, c'est ça, c'était le volleyball. Ah, mais ils jouaient pas juste au volleyball. Non, tu achetais des gâteaux, tu prenais des photos. Moi, j'aime ça, je vais prendre des photos d'un jeu, j'adore ça. Regarde, ce jeu-là, il était fait pour toi. J'ai pas joué, mais... C'est à la plage, au volleyball, au casino. Ça me rappelle un jeu que j'ai joué à Nintendo 64. Pokémon Snap? Non, pas Pokémon. Non? Je me sais plus du nom, mais je pense que ça venait avec Nintendo 64. Tu te promenais en genre Delta Plan, t'es pas... Pilot Wings. Ah, par les toi, il y avait des snapshots d'après. Ouais, tu prends des spots en photo. Tu prends des démissions, fait que tu rentres dans des loops. De l'excellent studio Square Enix. Ouais. Ça l'était, hein? Non, ça n'était pas de HAL Games ou quelque chose comme... Non, mais c'était un home name de Nintendo. Oh, oui, non, c'était ils l'ont sorti Nintendo, au 3DS, justement, je pense. C'est vrai, hein, c'était fait par Nintendo, je pense. C'était un studio américain qui a fait ce jeu-là, mais on se promet tout de suite pas d'Internet, on va là comme... On ne se rappelle pas de ben tout. Écoute, même si on veut aller sur Internet présentement, ben regarde, j'ai une barre de... Non, en fait, on a plusieurs barres de réception. Tout va bien... Okay. Donc, on va être rendu à toi, Milter. Prépare-toi, on va piger ta question. Ah non. Alors, ta question sera... Quelle série écoutes-tu présentement? J'en écoute pas présentement, mais je viens de finir Walking Dead 2, saison 2. Okay. Puis la 3 sort le 14 octobre, fait que je pense qu'on peut parler de la 2 trop, un peu sans spoiler trop est-ce qu'on rien. Est dans la limite des 3 mois? On l'a, ben oui. Ben oui. Ça a sorti en octobre l'année passée. Moi, je suis bien d'accord. Moi, là, les spoilers, chialage, là, j'avoue tout de suite, j'ai aucunement écouté de la saison 2. Mais est-ce que t'es à l'aise qu'on en parle? Puis je suis complètement à l'aise. Et si tu décides d'écrire, envoyer un email ou aller sur un forum disant qu'il y a un spoiler qui était cassé, il y a vraiment... En tout cas, go! Je pense qu'on va faire l'étiquette à 100%. Mesdames et messieurs, si vous écoutez présentement, il pourrait y avoir des spoilers. Ouais. On a fait notre job, ça fait plus que 3 mois que c'est sorti. On vient d'avertir les gens qu'il y a des spoilers. Je pense que je viens de le refaire encore une fois. Fait qu'on est prêt? On est prêt. Walking Dead, il y a des zombies. Saison 2. Ouais. Pas beaucoup, malheureusement. Parce que, parce qu'on sent. Les six premiers épisodes, effectivement. Ouais. Tu te demandes si c'est Days of Our Lives ou t'écoutes Genre. Walking Dead. Mais c'est pas l'ennemi. La première saison, c'est l'ennemi à l'extérieur. Et ensuite, la deuxième saison, c'est les ennemis de l'intérieur. Ouais, mais il n'y a pas d'ennemis à peu près pendant les six premiers épisodes. Ouais, mais non, c'est... Okay. Non, c'est juste ça. Ouais, le et... début, là, c'est long. C'est okay. long. Fait que c'était bon. C'était... Ça, c'est comme, mettons, là... C'était bon, mais c'était. Comment dire ça? Pas beaucoup d'action ou je sais pas. Les, en tout cas, ils cherchaient une petite fille puis c'était long en Christ. C'est un épluchat de blé. Puis une fois qu'ils l'ont trouvé, là, ben tout s'est passé d'une shot, bang, bang, bang. Ah ouais, les bouts intéressants. Il y a quelqu'un qui meurt, il y a de l'action, quelque chose. Sauf que je commençais à pas aimer ça au début. Quand j'ai plus que je suis un gros fan de zombies, de toutes les BD de Walking Dead, quand j'ai commencé à l'écouter, au début, j'étais déçu. Puis à un moment donné, ça s'est rattrapé vers la fin. J'ai hâte de voir la 3. J'ai déjà plus été hypé, mais être honnête, là, sur d'autres choses. Mais c'était quoi le spoiler, je veux te savoir? Ouais. Ben, que peut-être la petite fille est perdue. Si tu l'as juste pas écouté, ça a tiré n'importe quoi, est un spoiler, ouais, dans le fond. Ouais, là, fait que... J'avoue, là, mais je veux dire, je vais attendre le genre de twist en passant. Ils perdent une petite fille au début. C'est des batteries humaines, puis il n'y a non, même non, pas d'apocalypse. Même puis... pas. C'est pas fini. Ils perdent la petite fille au début, presque, au milieu du premier épisode. Ils sont sur l'autoroute, elle se pousse dans le bois. That's it. Après, ils disent, on va la chercher dans le bois pendant 6-7 épisodes. Le petit du héros principal, il se fait tirer, il trouve une ferme, il se fait guérir. C'est long. Ils n'ont pas trouvé la petite fille, ils ont espoir. Il y a un épisode au complet sur une rose blanche que tout le monde se calisse de la métaphore. Excusez-moi là, de ne pas avoir un arbre poétique. Okay, mais là, je suis confus. Là. Pourquoi ben, tout ce que je dis, ça. C'est comment est-ce que c'est bon, cette série-là? La BD était 40. Les 6 derniers épisodes étaient bons. Les 6 hein. derniers sont malades. Tout ça, c'est malade. C'est super. Sauf le bout de chercher la petite fille, là, ouais. Ils t'ont étiré ça. Là, ça a juste tellement pas de bon sens comment ils ont étiré ça. Là. Mais ça a peut-être lieu. C'était pas Walking Dead que t'avais un écrivain qui avait sacré son camp ou quelque chose de même. Il n'y a pas quelqu'un ouais. qui a. Je pense entre saison 1 et saison 2, il y a vraiment quelqu'un qui a dit ben moi, that's it. Je m'en vais. Ben, je sais qu'il y a eu de la merde pour le gars de la BD au début. Je sais même pas c'est quoi exactement, fait que je veux pas dire des faits. Si je m'en fous des vrais. Roses, puis la petite, elle devrait pas durer 15 épisodes. Ça a même pas rapport, parce que aussi, dans les séries TV, il y a beaucoup de choses qui ont aucun rapport avec la BD. Ça suit pas vraiment. Ça suit, puis ça suit pas. Genre, c'est une... poche d'abord qui font ça. Ben, oui, c'est pour non, donner des punchs. Au monde qui sont des fans, comme moi, je suis rendu au volume 15 de la BD, ils me pètent pas, ils me donnent des nouveaux punchs, mais en même temps, t'attends des moments précieux de quand que lui va mourir ou quand qu'elle va faire telle affaire, puis que finalement, celle qui fait l'affaire, ah, t'as meurt, puis que l'autre gars. Mais c'est un homme à double tranchant, parce que ce que tu viens de dire, c'est intéressant, c'est que t'as des moments de la BD que tu fais, waouh, hey, j'ai tellement hâte de voir ça, puis ça arrive pas. Sauf d'un autre côté, je trouve ça bien aussi, parce que t'as des moments que tu fais, ah, regarde, je sais, lui va mourir. Fait que t'es en train de me dire que tu peux pas faire une série basée sur un œuvre, ou que tu suis ligne à la ligne, qu'est-ce qu'il fait. Je te dirais que c'est inspiré de l'adaptation. Mais c'est pas, moi, je suis pas d'accord. Garde exemple numéro 1, Game of Thrones. Lettre pour lettre, paragraphe pour paragraphe, ils suivent la série, puis c'est absolument débile. Puis les fans du livre, ils savent qu'est-ce qui s'en vient, puis si tu veux le voir visuel. Ouais. Mais ouais, une affaire ça. Pour Walking Dead, c'est que c'est le même gars. Le gars qui a écrit les BD, c'est le gars qui produit, qui fait l'émission. C'est lui qui décide de changer son œuvre et non quelqu'un qui prend l'œuvre et qui la change à sa façon, puis que là, le monde font « Ah, lui, il a scrappé l'œuvre de tel gars. » C'est lui qui soit scrappe ou embellit sa propre œuvre. Tu vois un peu par rapport à ce que tu viens de dire aussi, c'est l'adaptation d'un livre à une télésérie. Moi, regarde, Game of Thrones, je ne les ai pas lus, les livres. Mais je dois être honnête, puis le début de la saison 2, là, ça n'avait pas de sens pour moi parce que je me suis senti, excusez-moi le bon Québécois, mais je me suis senti garroché. Hey, il t'envoie à peu près 15 nouveaux nobles. T'en as un qui se ramasse d'un autre bord. Là, après ça, il y en a un qui trahit l'autre, des affaires de même. Tout ça se passe tellement rapide que saison 1, j'étais accroché aux personnages. Je tripais sur eux. J'avais vraiment du fun. Je me suis ramassé saison 2. Ça a vraiment fait... Ouais, OK. Bon, ben regarde, écoute, j'aime les personnages de la première saison, mais saison 2, là, regarde, je me suis pas accroché vraiment à personne. Mais pourtant, c'est pas mal les mêmes affaires, donc les mêmes personnages. Oui, sauf que, tu sais, les nouveaux nobles, les affaires de même, la guerre du King of the North, puis des affaires les de nouveaux, même. Les frères des rois. C'est ça, les premiers épisodes de la saison 2, puis parallèle avec Walking Dead, on dirait, cette année, les saisons 2, ou les nouvelles saisons, t'as eu comme 6 épisodes pourris pour 6 épisodes géniaux. Ouais. Game of Thrones, c'est la même affaire, ça finit, là. Man, moi, j'ai craqué de d'émission 1. Mais à cause, pourquoi à cause j'ai lu les livres? Ben, c'est peut-être pour ça, parce que toi, tu connais le stock et t'as déjà créé ton attachement émotionnel avec les personnages. C'est comme dans ton show, là, l'écrivain, il a écrit, et en plus de ça, c'est lui qui réalise et qui fait le scénario pour la télésérie. Il est vraiment dedans. Je pense qu'il a fait ça pour, justement, il s'est dit, regarde, je peux pas commencer 30 BD en 2 ou 3 épisodes. Fait que je vais aller, c'est plus que 30, c'est bien plus. Non, mais même, je dirais que le laps ou le fil de l'histoire, il se suit aucunement non plus. Là. Comme si je me fie au BD, un des gars dans la série, il devrait mourir, Shane, pour ceux qui l'écoutent, là, il devrait mourir à peu près au 4e épisode de la saison 1. Il meurt au dernier épisode de la saison 2, c'est un des punchs, je dirais. Fait que, j'ai super hâte d'écouter Walking Dead, là. Le gars que j'ai rencontré dernièrement qui traite plus zombie, qui me dit comment écœurant que c'est saison 2, j'ai hâte. Non, c'est vraiment bon. C'est une bonne série à écouter. Par exemple, pour trolling de livres à série, il y a True Blood. Je connais même pas True Blood. Okay, je connais pas. C'est des livres, ça, pour de vrai? True Blood, c'est des livres à la base. C'est de l'érotisme. Ouais, c'est un peu. Mais c'est pas comme érotisme. Comme Fifty Shades of Grey, mais. C'est érotisme, genre. Vampé. Hardcore, tu sais. Puis, anyway, l'histoire, dès la saison 1, je pense que. Moi, j'ai pas lu les livres, mais tout le monde m'en parle comment c'est. Érotisme, borderline, bestiality à des moments. Non, mais c'est, en plus, l'odeur, vous devriez l'avoir. Ça, c'est Twilight. C'est une blonde, une madame, peut-être dans 60 années, a l'air d'une vieille cochonne, mais genre vieille perverse, là. Tu la regardes et tu te sens malaisant. Hein. T'es comme, oh, je file pas, tu sais, je suis pas bien. Je la regarde et c'est comme, t'es comme. De qui on parle? La personne qui vend les livres là, ou la personne dans l'auteur. Les livres? L'auteur. Okay. L'auteur des livres. En tout cas, moi, j'ai pas encore lu les livres justement parce que je suis la série. Mais moi, tous mes amis, trois quarts, ont décroché à la dernière saison parce que justement, depuis. À part la saison 1, je crois, tout le reste des saisons, il y en a 5, a aucun rapport avec les livres. Zéro connecté, zéro histoire. Il y a des personnages qui sont déjà morts dans les livres, qui sont pas morts dans la série. C'est sûr, c'est des fan favorites, fait qu'ils tuent pas, ils tirent la sauce. D'un autre côté, moi je l'écoute, puis je dois pas m'avouer être le plus grand fan, mais avec la dernière saison, j'ai pas non, c'est dégueulasse, non, c'est dégueulasse. Moi j'ai décroché en une saison, j'ai jamais écouté. Je pensais que c'était des vampires gays qui chauffaient des Camaros ou quelque chose. Non, là. C'est des vampires redneck qui viennent de la Louisiane. Fait que de temps par temps, c'est des Dodge. Ben, pas ça. C'est des vampires redneck. Il y a plein de monde super naturel, il va y avoir des shifters, des vampires, il va y avoir des fées, mais c'est pas des fées, c'est pas des gros à la Twilight là, okay. Vraiment pas là, c'est genre là, mais t'as des scènes de sexe, mais ça baisse dans le sang, puis ça se mord partout, c'est vraiment pas homo. Moi je m'ai fait mal d'expliquer ça, je pense. Là que tu m'as décrit la femme qui l'a écrit, j'ai absolument aucun goût de voir cette scène là. Tu vois, moi c'est tout ce que je pense, c'est ça. Je pense que la photo, on va la mettre pour les gens qui l'ont pas vu. Je pense qu'on va la mettre sur le site du podcast. Ouais, on va mettre la photo de l'auteur. Comment vous allez la regarder? Vous allez penser sexe en la regardant, puis vous allez. On va pas. Vous allez pas bien filer. Vous allez faire non. Fait du sexe sale dans le fond. Non, c'est du sexe sale. C'est bien dans le sens, ça se. Comme Game of Thrones. C'est moi Game of Thrones. Se résume à guerre et inceste. Non, mais l'inceste est hot dans Game of Thrones. Puis c'est un couple. Moi, une série qui sont capables d'aller à la télé puis de te montrer un nain qui swing une bonne femme sur HBO au prime time puis tout le monde est à l'aise avec ça, on a évolué en tant que. Voilà. Que tu vois des saints. C'est HBO, fait que c'est ça. Il y avait Camelot aussi, le remake qu'il avait fait, la télésérie, c'était le post-Stars. Française ou... Non, pas Camelot. Camelot, c'est ça. Drôle, c'est des capsules de 3 minutes. Mais non, Camelot, c'était le post-Stars qui avait fait ça. Ouais, c'est pas drôle. T'avais du sexe quand même assez hardcore là-dedans. Je pense que... Pas écouté. Genre Arthur puis Guinevere, là, qui a l'entache. Ah ouais, d'aplomb, là. Puis on dirait que c'est comme... Si c'est médiéval, moi, j'ai bien de la misère avec le médiéval en partant. C'est pour ça que je suis pas capable. Ben, pas j'ai de la misère. J'ai joué à Dungeon, j'ai fait mon trip dans le temps, là, mais je suis plus capable. On dirait là, tout ce qui a rapport avec des épées, des armures, que ce soit les jeux vidéo ou les films. Là, fait que toi, le Hobbit qui s'en vient, t'as vraiment hâte. Ah oui, c'est sûr, sûr. Ben, ouais. Au moins, il y a un nain. T'sais, les nains, j'aime ça. J'adore. C'est que des nains. Ben, c'est ça. C'est que ça. Fait que je suis comme entre deux, tu sais. C'est des nains médiévales. Fait que c'est ça. Moi, c'est des nains comme. Turn comme off, ils ont des épées. Puis, t'as des chariots à lapin. Oh. Des quoi? Des chariots à lapin. Mais moi j'aime tout ce qui mesure en dessous de 3 pieds, dans le fond. J'ai lu le Hobbit. Tout ce qui est 3 pieds, moi, j'aime ça. Fait que vous l'auriez entendu sur le podcast en premier, Milter vient carrément d'avouer que tout ce qui a trois pieds est moins. J'adore ça. Surtout dans les films, là. Mais pas médiéval. Genre la naine dans Total Recall. Elle est drôle. Un petit jupe, elle monte à la table avec sa mitraillette. C'est comme des scènes de nains les plus épiques là, du cinéma américain que je connais. Ça en est une. Puis, c'est con, là, mais dans Happy Gilmore, ici, dans son rêve, Adam Sandler. Ah, le nain, attends, habillé en cowboy avec des pichets qui ride un tricycle. Non, ouais, c'est écœurant, là, genre, là. J'avoue que ça, c'est comme le rêve américain, mais. Un nain. En photo. Faudrait louer un nain. Minimi, c'est trop loin dans le nain, ça, ou... Non, mais lui, il est devenu comme un peu. Trop top nain, genre, il est petit, il est vraiment petit, lui, il est comme... Parce que les scènes de nain, c'était les jokes de nain sans arrêt. Ouais, lui, le nain dans Game of Thrones aussi. Je l'ai pas vu, c'est... Okay. Moi, médiéval, inceste, là, j'embarque pas. Mais Vern, monsieur... Vern Troyer. Tyrion Stark. Tyrion Lannister. Lannister, c'est pas un Stark du tout, c'est un Lannister. Tu as lu les livres. Ouais. Mais c'est-tu un vrai nain, ou c'est un nain comme dans Lord of the Rings, que dans le fond, ils l'ont fucké avec la caméra? Il est cool en plus, okay. Là, il évolue en tant. J'aime ça les vrais nains, pas des nains. Pas un faux nain. Pas un CGI midget. Non, un Emmy Award winning nain qui embarque sur la scène. C'est pas le nain qui jouait dans In Bruges. Ça l'est. Ouais, non, je non, pense non, pas que ça l'est. Je pense pas que ça l'est. Il jouait dans Nip, je me répète pour la quatrième fois. Nip-Tuck. Il a joué dans. Il y a un nain dans Nip-Tuck. Game of Thrones. Nip-Tuck, je pense que c'est la première série que je finissais d'écouter les épisodes, puis j'étais comme. Je voulais continuer d'écouter pendant un temps, j'étais comme, mais ça me semble, c'est fucky. C'est pas... ouais, ils sont pas bien dans leur non, temps. Non, c'est ça que j'ai écouté Californication. Puis il y a un nain, attends, il y a un nain dans Nip-Tuck. Ben écoute, il y a un nain. Dans l'avant-dernière saison, je pense. Ah, oh, okay, c'est pas comparer un personnage principal, le nain. Non, non, non. Il vient dans la série pour environ une saison. Je pensais que c'était quasiment basé sur un nain. T'achetais la série. De drette, là. Une série de nains. En parlant de Bruges, il t'a sûrement déçu à la fin. J'ai pas vu ça. Ah, ok. Ah, ben, faut que tu l'écoutes. On le spoilera pas, celui-là, je pense. Je sais même pas c'est quoi. C'est une série ou un film? J'ai écouté ça, Colin Farrell. Ouais, c'est qui les autres? Je me rappelle juste de Colin Farrell. C'est pas une série TV, là. Non, c'est un film. Le film, ça me dit quoi, mais je l'ai pas vu. Non, c'était vraiment bien. En tout cas, un nain joue une grosse partie dans le film. Ah, ça c'est bien. On finit les intros, puis on va arranger ça. C'est des bons nains. Fait que je pense qu'on va passer à Mélanie. Mélanie, on va découvrir ta question. 30 secondes. Avant, je veux juste un résumé. Oui, un résumé, oui. Oui. C'était quoi ta question? Télésérie. Ouais, ma télésérie de nains. Puis on a découvert qu'il y a des nains. Ça, c'est juste. En bas de trois pieds. Ouais, en bas de trois pieds. Tout ce qui est en dessous de trois pieds. L'évolution de cette discussion-là, elle vaut un peu de reconnaissance. Un Ewok, si tu es en dessous de trois pieds. Ouais. Un Ewok, mais c'est plus grand, hein. Il y en a des plus grands. Fait que je les aime pas toutes. Genre, j'aime les plus jeunes Ewok. Ah, mais les dit comme ça, ça sent c'est weird, c'est weird. Mais. Mais genre, il aime Widget, ouais. Mais les autres, mais non. Le chef qui est plus Wicket. Grand. Wicket, ouais. Widget, c'est l'extraterrestre mauve avec une grosse tête. L'extraterrestre. Widget, ouais. La même compagnie qui faisait Captain Planet, là, j'ai oublié, c'est Dick. Hein? La Dick, compagnie de Dick. Tous les petits garçons à travers du monde à la fin. Dick. C'est sûr, t'avais un paquet de monde qui voulait tout le monde la main dans la bouche. Tout le monde rentrait dans la bouche. J'en regardais quand j'étais jeune. Ça finissait, puis Dick. Dick. En plus, c'est une voix d'enfant. C'est une voix d'enfant en plus. C'était ça, Widget. En 87, ils ont aboli ça. Ok, excuse-moi, continue. Donc, Mélanie, je te demande ta question. Dick. Celle-là, on l'a déjà demandé. Donc, n'utilisez pas random.org. Il enlève pas les réponses. C'est vraiment pas random. C'est vraiment pas random. Ça fait trois fois qu'on fait la game. Oh, oh! Quelle est ta première console de jeu, Mélanie? Ma première console de jeu. En fait, j'ai expliqué un peu mon histoire du gaming. Moi, j'ai, bon, comme de trois quarts du temps, une sœur et un frère. La sœur devient gameuse parce que le frère joue à un jeu vidéo. Moi, c'est comme ça que j'ai. Et mon amour pour les jeux vidéo s'est développé. La première console qu'on a eue, c'était un Atari. 2600, celui avec la manette, ouais, et le point 2600, rouge. Oui, c'est ça. Changer de niveau en faisant clic, ouais, clic, c'est ça. Donc, celui-là, on l'avait. J'étais un peu jeune encore. J'ai jamais été consciente. C'était Intélévision. J'ai même été consciente, mais j'étais ça, j'étais vraiment. La manette à téléphone. Oui, c'est ça. Tu glisses tes. C'était ingénieux, ça, par exemple, de là. Pour le temps, oui. J'ai Atari, je me souviens d'une couple de jeux, mais bon. Fait que je pourrais plus dire que j'étais beaucoup plus consciente de Nintendo et que là, j'ai commencé à jouer avec mon frère. Donc, ça, c'est encore téléconsole de mon frère. Mais ma, si on, est-ce qu'on on parle de la première que j'ai jouée ou la première que j'ai achetée? Ben en fait, quelle est ta première console de jeu? C'est pas mal nous autres qui écrit la question. Fait que vas-y comme bon te semble. OK, bon. Ben à date, Atari 2600. Ouais, moi je dirais mais, 2600, ouais, mais j'ai c'était la première console, mais c'est, j'ai pas fait vraiment aucun joué. Combat, aucun... Ben, il y avait plein de combats Pac-Man avec des Epic. Tanks. Il y avait ouais. Battle Tanks, que c'était 4-5 pixels qui se prenaient dans des pixels. M'excuse, là, mais combat, cool. C'était hot. C'était cool. Les tableaux, là, tu savais que tu changeais de tableau, pourquoi? Les couleurs changeaient. Ouais, mais t'avais, si tu voulais faire les combats d'avion, il fallait que tu fasses comme 15 coups. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. T'avais compté. Avion. OK. Il n'y avait pas un jeu qui c'était karatéka, genre, t'avançais, tu battais, non, c'était pas sur la série, ça. ColecoVision. Tu parlais de ces grosses consoles. Ça, c'était plate. Mais c'était du rotoscoping au moins, les animations. Moi, je me rappelle voir le dude qui marchait, là, j'étais comme, oh my god. Rotoscoping, pour ceux qui nous écoutent et qui sont un peu flabbergastés comme moi, c'est quoi, c'est tu marches puis. Rotoscoping, dans le fond, c'est les pixels animés par-dessus un film. Oh. Fait que pour Karateka. Je suis pas sûr qu'on a joué à la même version. Hein. Mais. Ah, ben ça dépend, le film était-tu plate ou... Genre, le gars, il avait le 12, là, il était debout, puis il marchait, puis il faisait des kicks. Il se plaçait. Puis là, après ça, il animait les pixels à la vitesse qu'il faisait. Le meilleur exemple du bon rotoscoping, c'est le premier Prince of Persia. Ouais, ça, j'avoue. Mm-hmm. Ça, c'est rotoscoping tout craché. Mais ça, c'était le fun. L'autre, tu fais juste avancer à l'église. On parle de 5 ans, 10 ans. Prince of Persia, c'était le fun. Le premier? Ouais. Hey, j'ai des bons souvenirs de ça comparé à Karateka. Moi, j'ai des bons souvenirs de tomber dans des pics, me frustrer puis retourner. Avoue que c'était hot pareil la première fois que tu tombes. Pas mal ça. Ben, moi, mon expérience Prince of Persia, le premier, là, c'était à cause que j'étais dans un party de famille. Puis j'étais le seul de mon âge. Fait que mon oncle, il me plaçait dans la salle d'ordinateur. Puis il y avait juste ce jeu-là. Avec une grosse bière? En copie. Non, mais j'étais encore trop jeune pour une grosse bière. Mais en copie, en plus, il y avait une copie, puis vu qu'il se passait ça au bureau sur genre 14 disquettes là, avec ses chums, là, ben il y avait en plus, parce que pour empêcher le piratage dans le temps, dans le manuel, t'avais des signes, des carrés, genre, ouais, c'était tous des symboles, puis de temps en temps, tu passais le premier tableau, mettons, puis là, il te disait, va à page 2, puis dis-nous c'est quel le troisième signe. Fait que là, fallait que t'ailles dans ton livre. Ouais, fait que lui, il avait photocopié le livre d'instruction, fait que là, quand... High-tech. Hey, mais tu sais quoi, là? Début du piratage, des feuilles brochées Sierra, ensemble. Sierra, il avait figuré comment contrer ça, par exemple. Tu jouais genre Robin Hood, des jeux d'aventure. Ah, oh, King Quest. Si tu voulais les réponses pour débarrer ton jeu, mais tu avais besoin de lecteur rouge que tu allais, puis là, la réponse, tu allais dessus. Puis là, tu voyais, avec le rouge, tu voyais la réponse. Fait que si tu mettais ça dans une photocopieuse, ça marchait pas. Non, mais le pire. Oh, mais ça, il l'écrivait sur une feuille, là, rendu là. Là tu la regardes, tu l'écris, puis tu fais des photocopies là-dessus. C'est l'expérience client, là. Tu sais, moi, tu me comptes ça, là, la manière de prévenir les copies, c'est que j'avais des lunettes spéciales, puis là, je voyais des mots, puis pourquoi qu'on est rendu avec du DLC ou bien des serveurs? C'est à cause de ça. C'était cool, il me semble que tu transformes ça, surtout pour un kid, c'est comme. On demande un password. Tu demandes ça à un jeune à cette heure aujourd'hui, il va avoir son téléphone dans la main, la manette dans l'autre, il va faire tente pas. On va aller voir le walkthrough. Hey, là, faut que tu sortes ta lunette, faut que tu fouilles, faut que tu trouves le bon mot, tu le pitonnes, t'as réussi, t'as un challenge. Il me semble que c'est rendu plat. Mais là, ils sortent la Wii U que tu vas regarder dans ton gros iPad, ta TV au travail, ta petite TV que tu tiens dans tes mains, puis que ça va faire apparaître de quoi. Fait que ça revient à ça. Ils vont sortir des lunettes qui vont être un écran. Qui regarde ton écran, regarder ton écran. Tard. Mais ils vont te le vendre 100 pièces. L'avenir, c'est ça, c'est plein d'écrans qui regardent des écrans. Je pense que c'est ça le futur du jeu. Ouais. Plein d'écrans partout. Pour non, aller. Non, on joue plus non plus, là, on fait juste à regarder. Tu sais, toutes les HUD là, qui sont dans l'écran, là, mais il va être en quelque part dans la vraie vie, genre que tu vas acheter des gadgets de plus, puis là, il va falloir que tu regardes ta lumière en haut pour voir ton énergie. Tu vas regarder à côté, il va y avoir combien de bombes qui te restent, ça va être des boules qui traînent à terre ou de quoi. Hein? Fait que pas karatéka, pas combat, pas Atari 2600. Résumé, c'est ok, non, en fait, non. Non, ok, c'est pas ça, karatéka. Mais vas-y, bon. Vas-y. On te... Non, pour de vrai, la première console que j'ai vraiment joué, vraiment hands-on, c'était vraiment le Nintendo. Première gem, pas SNS, le Nintendo. On partage tout ça. Ouais. Le Nintendo, c'est ça. Donc, les premiers jeux, je me souviens que j'ai joué avec le Nintendo, c'est Blade of Steel. Blades of Steel. Deux mecs, deux gros, un moyen. Tu connais qu'on a le droit à toutes nos erreurs à soi. Blades of Steel, c'était les Canadiens de Montréal en vrai. Oui, c'est vrai. C'est juste Montréal. J'aimais mieux Ice Hockey. Blades of Steel, j'avais aussi Excitebike. J'avais le premier Mario, le deuxième Mario. Crinquait la princesse en petit bonhomme, puis boing, qu'elle sautait, puis qu'elle faisait 3 km. J'avais aussi, bon, justement, Teenage Mutant Ninja Turtles, qu'on jouait. Le 1 ou. Le 4. Non, ben, non, le 4, non, ça c'est au NES, Nintendo, c'est le premier. Non, mais le 3, Ninja Turtles de Ultra. Non, je m'excuse, ça c'est au SNES. Oh. Au SNS. Ouais. Le Ninja Turtles de Ultra, je pense que. Une des pires marres d'ever. Qui restait sur la rue, là. Tu sais, dans le clic quand t'es jeune, puis ton monde arrête à deux coins de rue plus loin, là, puis de toute la planète entière, là, il n'y avait rien qu'un qui l'avait fini, puis c'était comme dans la légende. Ouais, mais ce jeu-là, là, je pense qu'il aurait pu... Jamais capable de le faire devant toi, par exemple. Oh, je l'ai passé le tableau de l'eau, là, le tableau de l'eau électrique, là, avec les bombes partout, je l'ai passé, ouais. C'est comme une règle non écrite que tu rentrais dans le tableau de l'eau, puis les plans qu'il avait, puis c'est là que tu lançais les manettes. T'étais correct, mais t'arrivais, là. Ouais. Je me souviens, puis la tarte, ça faisait. Sais-tu pourquoi c'était Ultra? Quelqu'un qui connaît ça? Non. Quelqu'un qui connaît Ultra? Mais c'était le off-brand de Konami. Il y avait une loi dans le temps. Ou une affaire de Nintendo, parce que Konami, tu pouvais pas avoir plus que genre 4 jeux dans qui sortaient par année. Ah, ouais. Fait que Konami, pour contourner ça, ils ont dit, ben, on va créer une autre maison de publication. Ils ont sorti Ultra pour sortir d'autres jeux de Konami. Fait que à la base, c'est un jeu de Konami, quand tu y penses. Ah, ouais. C'est ça, mais rappelez, moi, je me confondais avec le Teenage Mutant Ninja Turtles 4 sur SNS, mais là, comme vous l'avez rappelé, celui d'Ultra, je me suis très bien, on l'a jamais fini, mon frère, pour moi. Ben non. C'était trop dur, le tableau d'eau, comment vous disiez que les plantes, des moi, je dis que tu peux pas le finir. Des algues qui t'écrocutaient. Il n'y a pas de fin, le tableau d'eau. En fait, c'est qui? C'est. Avec le bruit harcelant de quand il te restait un point de vie. Ah ouais, c'est ça, là. T'es encore plus énervé. Tu mourrais, c'est sûr. On a tout ça dans la tête, on va faire des cauchemars cette nuit. Ben, tous les jeux qui utilisent ce concept-là, là, ils ont juste pas catché ou ils veulent vraiment faire chier leurs fans qui jouent à leur jeu. Non, même Zelda, là, quand t'as un demi-cœur, là, tu sais que c'est fatigant. Là. T'attends. Là. Je pense que le plus tough de Nintendo, là, pis tu sais, Ninja Turtles, c'était tough. Là. Ah ouais, c'était dur. Mais Ninja Gaiden. Ah! Ninja Gaiden. C'était là, d'autres choses. Tu pensais que t'avais fini le jeu, là, il t'a ressacré un autre tableau. T'avais fini ce tableau-là, il te mettait une évolution du boss, toute la quête. C'était. Mais c'est. Le nerd, fou, il avait fait un review. Ouais. Le game nerd, puis tu le voyais, puis c'était comme. C'est ridicule. Mais t'avais un segment sur. Non, mais le jeu était conçu pour te tuer. Ah, non, pour te tuer. Comme il savait là, que t'étais pour courir par-dessus, t'étais pour sauter par-dessus ça. Fait qu'on va faire sûr qu'il y a un ennemi qui sort ici. Parce qu'il va sûrement sauter là. Fait que c'était garanti. C'était genre le jeu qui est conçu avec la mentalité de 25 cents, mais chez vous. Oh, la mentalité de 25 cents, t'es supposé mettre d'autres 25 cents, mais chez vous, tu peux je t'amène à ta terre. Ouais, puis, t'as pas moyen de mettre des 25 cents de plus pour continuer où t'étais rendu. Tu y a-tu juste moi qui a eu les manettes bizarres de Nintendo? La boomerang. Ouais, elle l'appelait de même. La boomerang avec une boule rouge, là, puis là, c'était supposé d'aller bien mieux. Puis finalement, j'étais triste, puis j'étais braillard quand j'étais jeune. Je n'ai eu une de même. Quand j'ai eu ça, j'étais plus capable de jouer. Puis c'était tout croche, mais la seule affaire qui était le fun, par exemple, les pitons étaient comme ronds. C'était la première manette avec des boutons ronds. Je fais des moves, là, vous pouvez pas les voir à la maison, là. Puis je ne sais même pas pourquoi j'avais beaucoup de gestuels. Mais je fais beaucoup de gestuels. Mais les boutons étaient ronds. Puis ça, là, tu sais, pour faire le button mash, là, ça allait tellement bien. Parce que tu fais juste passer dessus, puis vu que les pitons étaient ronds, là. Ça se crappait pas jouer avec ça. Ça évitait les ampoules. Ouais. Moi, je pognais juste un lighter de ma mère. Tabou. Hey. Ah, il piquait 20$ dans sa sacoche. On n'embarquerait pas là-dedans. Ah, okay. Mais les lighters, c'est la meilleure affaire. En tout cas, Track and Field, j'étais un pro. J'ai jamais pensé à un lighter. Track and Field, c'est pas ça que tu sautais à côté du tapis, t'attendais comme une demi-heure, t'allais faire un sandwich. Non, non, Track and Field, t'avais plein de jeux de button mash, là, où il fallait que tu, genre, AB. Ouais. Puis le jour où ce que j'ai déterminé là, que le bic était parfait, là, tu faisais ça. Allait... Hey, moi, mes parents étaient non-fumeurs, fait que j'ai pas... Non, mais j'étais un peu justement que je disais, bon, que quand tu games... Les petites frères, la petite sœur, le frère. Est-ce que vous avez des sœurs? Moi, j'ai une petite sœur, puis justement, quand tu expliques ton histoire, ma sœur, elle embarque dans cette braquette-là. C'est pareil. Ton père, il te donnait-tu des coups de poing quand il était mort? Non, attends, moi, c'était pire. Dominique, je m'excuse encore. Bonjour, SNS, justement. Je te raconte des flinches. À Teenage, je me donnais du Turtle 4. Je sais, je suis bien stické ce jeu-là, mais c'est le souvenir que je me souviens. Mais tu peux pitcher des foot soldiers à l'écran. Mais non, mais attends, moi, j'étais pas bonne que lui. Fait qu'évidemment, j'étais sur bord de crève avant, puis mon frère, il y avait les pizzas, c'est top, quand tu jouais. Il allait me la voler, même si c'était full life, me faire chier. Non, moi, je pétais. Ça, c'était bon moment. Ouais, mais c'est ça, lui, ouais, mais moi, j'ai quasiment plus vite, je vais mourir. Tu démangeais le marbre? Fait que là, bon, là, je criais, je pleurais. Hey, pizza! Là, mon père arrivait. La cime, Carlus! Laisse les pizzas à ta soeur! Fait que c'est tout le temps comme ça. Puis là, mon frère. Ah, ça, c'était beau, mon frère. Laisse les pizzas à ta soeur. Ah, juste la phrase épique d'un père. Je criais, je pleurais. Je sais même pas pourquoi qu'il dit ça. Pendant ce temps-là, chez les voisins, ils disent, man, ils disent. Il y a nos restes. Là, là, je cache pas comment ils font. Ils sont tout le temps après manger des pizzas. Elle sort de là. La petite, il en donne, mais. Ben ouais, non, elle mange comme un trou. Puis non, c'est ça. Fait que c'était une belle anecdote que je me souviens de mon frère, qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui faisait pas mon affaire. Je pleurais, je criais, mon père arrivait, Maxime! Puis ça se réglait, puis je gagnais. Donc, ça m'a souvenu que j'ai. De... Petite parenthèse, qu'est-ce qu'Eric a dit? Dans ce long, on pitchait des foot soldiers à l'écran. Ouais. Ah! C'était-tu écœurant quand on faisait ça? Première fois, j'ai réussi à catcher, là, puis qu'il grossait, puis c'était pixelisé au bout de sa grosse face, mais c'était écœurant. Mode 7, baby. C'était drôle parce que je jouais justement avec un ami, on jouait un émulateur online, c'est pour faire du network sur ZSNS. Ouais, ouais. Puis là, on était rendu justement au tableau de Shredder, puis il fallait qu'il arrache les photos sur le jeu, mais ça faisait comme 15 ans qu'on n'a pas joué. Comment on le tue? On n'était pas capable. On fait ça, on tue des foot soldiers. On était comme, voyons! Je pense que c'est le move d'un Hadouken. Ouais, mais. Non, en bas, en bas, côté. Tu viens de dire ça, tout le monde vient de comprendre. Ouais. Mais c'est ça. En bas, en avant, un des pitons dans la gang. Ça nous a pris une bonne demi-heure à faire. C'est vrai, il faut les crisser dans l'écran. Mais là, on a fait. Comment on fait ça sur le keyboard? Je me souvenais. Oh, quand je me souvenais de ça, je me disais, c'était dur sur une manette. Comment acheter sur le keyboard? Une touche shortcut. Parce qu'on en garachait un aux 15 minutes dans l'écran. Fait que ça nous a pris une heure, Bat Shredder. Fait que... En gros, on ça... joue pas à ça sur émulateur. On joue plus à ce jeu-là. Je t'ai vu un joypad. Ouais, donc, on tourne à André, là. Ouais, ça question random. Tour. J'ai juste peur de tomber sur des questions. La musique Mel te pose la question, mais... hein. Le premier film que t'as vu au cinéma. Le premier film que j'ai vu au cinéma. Oh! De ta vie? Celle-là, elle va se propager à tout le monde, je le sens. Aïe, aïe. Non, mais écoute, ça, là, le pire, c'est que les gens qui me connaissent personnellement vont voir mon engouement du cinéma québécois s'arrêter où. Le premier film que j'ai vu au cinéma... C'est l'expérience de peur de Pinot. C'était Les Aventuriers. Opération. En fait, je suis québécois, mais c'était peut-être français, mais Les Aventuriers du Thème Perdu. Ah, oh, c'était une collaboration, je pense. Ouais, c'était une collaboration. C'était des Français là-dedans. Il y avait du monde pincé. Rufus Wainwright qui joue là-dedans. Oui. Name dropping, Rufus Wainwright. Sérieux? Ok. Est-ce que ça a été suivi par une passion des thèmes? Mind blown. Écoute, regarde, j'ai jamais acheté de thème. Je déteste les voiliers, malgré que... Maintenant, en fait, j'ai rien contre les voiliers si c'est pas moi qui conduis. Okay. Parce que, tu sais, je suis pas fait pour conduire un bateau. Surtout, tu sais, rajoute des voiles, rajoute un gouvernail, un paquet d'affaires à la main. Je viens de plugger les deux termes nautiques. Que les je deux, ça. Je sais qu'ils calculent en deux. C'est ça, je pense, tu sais. Puis t'as un babord, un tribord, mais quelque je ne sais pas c'est quoi. Babord, c'est un éléphant. Non, mais ce film-là, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Mais le pire, c'est que le vrai film que j'ai vu quand j'étais jeune au cinéma qui m'a marqué. C'est pas la même année que Batman a sorti, ça. Babord? Batman, non, l'aventure des têtes. Ça se pourrait. Fait que tu vois que chez nous, on avait des valeurs, puis on voulait pas que notre enfant devienne Michael Keaton. Non, je déconne. Non, mais honnêtement, regarde, c'était correct, les enfants, les aventuriers du Thème Perdu. Mais le vrai film qui m'a marqué au cinéma, j'étais allé voir Ninja Turtles 2. En fait, je n'ai pas vu Ninja Turtles 2. Parce qu'on était allé, pour ceux qui viennent de Laval, sur le boulevard Daniel Johnson, il y avait un Léon, puis il y avait un gros centre d'achat, puis il y avait un Cinéplex là-dedans. Puis en allant au Cinéplex, ma mère, qui avait une super de bonne idée dans ce temps-là, a dit, on va arrêter chez Zellers acheter du popcorn. Puis on va le sneaker in dans ma sacoche. Je le fais comme chaque fois. Comme toute bonne fère, bonne idée, toute bonne mère de famille va faire. Rentrant chez Zellers, qu'est-ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a un gros îlot promotionnel de VHS de Teenage Mutant Ninja Turtles 2, le secret de la... The Ooze. The Secret of the Ooze. Oh my God. Fait que là, nous autres, on a nos billets dans les mains pour le cinéma, puis là, le film, il coûte à peu près un 10$ chaque, malgré que dans le temps, c'était peut-être 5$. Ouais, non, c'est ça. Fait que, en tout cas, on avait 4-5 billets parce qu'on était allé en gang. Puis là, on voit qu'ils vendent le VHS en spécial à 16,99, je m'en rappelle encore. Fait que, on a acheté un VHS et on s'est fait rembourser un cinéma. Puis finalement, on est allé écouter ça à la maison avec un sac de popcorn, le coke, toute la clip. Mais... C'est la première fois de ma vie que j'ai vu que le cinéma a vendu le film en VHS en même temps qu'il était au cinéma. Ben, c'est ça que je l'ai demandé, là. Non, c'était totalement random. Ouais, mais ça doit faire des années que c'était au cinéma. Là, non. Ça, honnêtement, là, ça venait de sortir. Là, c'était... Regarde, j'étais un des plus grands fans de Ninja Turtle quand j'étais jeune. Fait que pour ceux qui ne catchent pas, c'est parce que j'ai un chandail. C'est la version française d'abord? C'était version anglaise en plus. Mais je peux pas croire. Mais non, oui, c'était un test qu'il avait fait. Puis honnêtement, Dans le temps, ils faisaient des tests. Ils faisaient des tests bizarres. Même Master aujourd'hui. Là. Puis finalement, regarde, ça nous a coûté 16$. J'ai eu la VHS chez nous. Puis je m'en rappelle en plus, le lendemain, j'ai appelé mes chums. Des jeunes, c'est encore. Je pense que cette pièce-là, j'ai dû l'écouter à peu près. C'est ce que tu disais. 6 fois par jour pendant à peu près un mois et demi. Ah ouais. Je connaissais les répliques. Il a fallu qu'on fasse une copie. Connaissais la danse ninja. Parce qu'elle a commencé à être tellement abîmée, ça n'avait pas de sens. Le ninja rap. Moi, j'ai fait ça avec Blood Sport. Je comprendrais pas cette histoire-là. J'ai encore un soupçon de dignité. Tu dansais. Ah, oh, ça va pas. Tu dansais. Ouais, dansais ninja là. Rap. Mais on peut faire. Je pense aujourd'hui, on va régler quelque chose. On faisait des cours d'école. Si t'as jamais dansé le ninja rap, puis t'es né dans ces années-là, là, ben il y a quelque chose de pas correct avec toi. Tu dois être ninja rap, running man. Ouais, ok. Je dois avouer, vu qu'on est dans les confidences, ben c'est les jeudis confidences. J'ai eu comme un. Mélanie sur la ligne. J'étais en amour avec Michelangelo, mais c'est un peu déviant parce que c'est une tortue. Ben, est-ce que les tortues ont... Ils se ressemblent toutes pas mal aussi, fait que c'est pas une attirance physique, c'est la personnalité. La personnalité, mais en amour par-dessus la tête avec lui. Elle sort avec Michelangelo. Spécial. Dans un, il arrive, « Hey, le gros, passe-moi ton bandeau. » Oh. Elle va rien voir. Et Raphaël, il rentre avec le bandeau orange. Imagine-tu, eux autres, ils auraient pu faire des méchants mauvais coups. Ben, c'est comme des jumeaux, là. Non, mais il y en a un qui était foncé, c'était Donatello. C'était comme la minorité visible de la gang. Il était bien bon avec les ordinateurs. Oh, t'es intelligent. Un peu, toi, là, j'ai dit de faire deux jokes. Leonardo, lui, était comme pâle, un peu. Il était, il était plus pâle. Raphaël, il était grincheux. C'est pour ça que c'était le leader, c'est le plus pâle de la gang. Non, c'est pas comme ça. Tout ça. Ben, non. Le pire, c'est que c'est live, on peut pas le couper. Il y a pas de... C'est toutes des mêmes tortues là, de la même race. Là. C'est vrai. Des cartoons, là, même, il était dans le film, je pense, l'autre tortue préhistorique à un moment donné. Ils ont pas fait. Raza était le loup. Ça c'est une minorité visible de tortue ninja. Elle était une autre race de tortue. Elle avait des pics sur sa carapace. Elle était pas vite. Hein. Hey, ça, là, c'est une autre chose. C'est du racisme. Ils ont créé le personnage. Là. Ils se sont dit on va prendre une tortue, elle va être laide. Elle va être pas intelligente. Elle va puer parce qu'elle vit d'évidence. Elle va être plus lente que les autres tortues. Ça n'avait pas de sens, ça. Là. C'était super triste. Puis eux autres voulaient juste être des chums et manger de la pizza. Là. Ils voulaient-tu vraiment être des chums? Ben oui, un moment donné, ils ont amené les traditionnels beignets d'avant bagarre. Quand il y avait des cubes de glace dedans. Je viens de réaliser que tu t'en rappelles. Non, mais écoute, là, c'était pas des histoires. Checkez bien, là, je vais vous scraper deux souvenirs d'enfance en même temps avec la référence que je sors. Tu sais, des cartoons de Ninja Turtle, en anglais, naturellement, voix originale. Shredder. Tu sais, Shredder. On se souvient tout, hein, de Shredder. Shredder. Puis, tu sais, dans Fresh Prince of Bel-Air, le gros mononcle à Will Smith, c'est le même. C'est la même voix, c'est lui qui fait la voix de Shredder. Uncle Phil est Shredder. Donc, à toutes les fois maintenant que tu vas regarder un vieux cartoon des Ninja Turtles qui parle genre à Télétoon rétro anglais ou de quoi, tu vas écouter la voix de Shredder puis tu vas savoir la voix. Les deux sont puissants. Je fais la connexion. Ouais. Mais tu dis la connexion, là, je fais comme... Quand j'étais petit, je le savais pas, puis c'est, je sais pas, c'est dernièrement. Tu m'aurais dit la voix de Shredder, c'est aussi la voix de Hello Kitty. Il y a une association faite, la star de tes fêtes. Les personnes qui sont bonnes, qui écoutent le podcast, qui sont bonnes en Photoshop et en montage vidéo, je vous demanderais de me faire un montage de Shredder qui lance Jazz par la porte. Ça, là, compte tenu de l'information que je viens d'avoir, là, si je peux avoir ça, là, faites ma journée. C'est sûr que je t'ai scrappé deux souvenirs d'enfance ou je viens de t'en merger deux pour faire de quoi de complètement awesome. Là. Moi, là, tu viens de m'exploser le cerveau, ça n'a pas de sens. Fait que dans le fond, ce qu'on s'est rendu compte un peu, c'est que pas mal tout le monde autour de la table, la raison que ça s'appelle le Geek Collectif, le podcast, c'est que tout le monde a pas mal une vision geek de la chose. Malgré dans les domaines où on va travailler, nos passions, les choses comme ça, pas mal tout le monde pense geek. Pas mal tout le monde va être geek. Malgré qu'on peut être un geek de sport, on peut être un geek de musique, on peut être un geek qui a tout simplement soif aussi. Donc, on va célébrer les mois et les années de travail C'est pas du Don Perignon, c'est du Don. Non, non, c'est du Don Perignon. Du Perignon. C'est ça. On vient. On a une bouteille de Duval Roy Brut. C'est du Brut 33, c'était ça? Maman geek, ouais. Y a-tu quelqu'un dans nous quatre qui a déjà ouvert une bouteille de champagne? Moi, j'ai déjà fait, puis j'ai déjà peur. Je me souviens pas comment. Direction. Ben, Eric, je vais te laisser le faire. Non, je veux pas le faire. Je veux juste faire ça si tu le fais pas vers moi. Non, toi, faut que tu le fasses. Là, je le swing dans les rideaux. Fais attention. Au lieu de péter la console, essaye donc le mur. Ça va ricocher, puis ça va nous revenir dans le coin. Non, c'est pas André. Je l'envoie dans le coin là-bas. Moi, c'était pour ça, plus. Ok, c'est quelqu'un qui a du papier ou des affaires de main. Ok, bon, hey, le pire c'est qu'il faut continuer à enregistrer parmi tout ça. Bon, c'est juste du champagne, on a tout déjà. Moi c'était plus pour. Mes shorts ont piqué aussi. Mes expériences de champagne, c'était pas le bouchon qui me faisait peur, c'était le jet de champagne qui sortait de la bouteille en même temps. J'essaie de la sauver, mais. Ouais, ben je pense que rendu là. Le pire, c'est que c'est connant quand même. Bon, mais écoute, on n'a pas pensé. Il y a un sac là-bas. C'est juste des tampons qui absorbent dans ma sacoche. C'est ça que je peux absorber. Ben écoute. J'ai mon sac de papier, mais il n'y a pas. Un sac en papier. Mais là, t'as-tu coupé le recording? Non, c'est correct. C'est live. Je me demandais, là, j'étais là, écoute, as-tu cliqué? On veut pas s'embarquer dans le monde du montage. Non, il n'y a aucune post-prod. Ben, il y a de la post-prod pour le volume qui va se faire plus tard, mais il n'y a rien qui. Hey, ça va-tu être gommé tantôt, ça? Moi, le monde qui font du montage audio, là, rentre-moi pas là-dedans, de toute façon. Comme je disais, ce que j'ai là sûrement, c'est des tampons, mais je pense pas qu'on va. Sors le Cotex. Je pense pas qu'on va arriver les tampons sur le plancher. Bon, fait que l'intro est faite. Le champagne s'est coulé par-dessus tout le ThinkPad, le Novo. Il y a un code barre dessus qui représente le fait que. C'est pas André, je pense. Fait que le champagne est dessus. On y va là-dessus dans la gang. Bon, je pense qu'on va y aller. On va se gâter avec une petite gorgée chacun. Oui. Moi, je veux juste faire sûr que le ThinkPad est correct. Parce que moi, je sais que du ThinkPad, c'est du luxe. Puis ça me stresse voir. Il est top notch, là, sans l'autre. Il en a même pas tombé dessus. Fait qu'en passant, si vous êtes en train de magasiner pour les ordinateurs, je vous suggère de magasiner des ThinkPad, c'est juste ça que je veux dire. J'ai belle petite machine. J'ai une affinité pour Lenovo. Et oui, en fait, le podcast est commencé par Lenovo. Merci Lenovo. C'est ça que je voulais dire. On n'a aucune commandite. C'est pas vrai qu'on est commandite, on n'aura pas de goodies. On va avoir une caisse de ThinkPad. Une caisse de ThinkPad. Donc, ce qu'on parlait avant cette petite intermède. Juste pour que tout le monde sache, la champagne, ça pétait un peu partout, puis ça coulait sur la souris, sur les écouteurs, et sur André. Galaxie. Et surtout sur André. Et ah, surtout sur André. Oh, ouais, il a mangé un petit coup. Ce qui aurait manqué, c'est de couler le champagne sur Marco Bourbonnais. Non. Ça aurait perdu dans le motorboat. Mais j'ai du champagne dans le motorboat. Comment ça aurait. Il va être resté pogné là. Ça aurait fait de la bulle. C'est du bon bubbly? Moi, du champagne, là, mi-chemin dans une bonne soirée, il n'y a rien de mieux. Non, honnêtement, là, regarde, ça fait assez longtemps qu'on travaille sur le projet. Je voulais souligner l'événement avec vous. Partager une bonne bouteille. Donc, avant cet incident, ce qu'on parlait, c'est qu'un geek, ça peut venir sur toutes sortes forme. De facettes, de formes. On a les sports geeks qui vont être des amateurs de sport assez chevronnés qui vont se rappeler que tel joueur a compté tel but en telle année. Vous voyez clairement que je ne suis pas un sports geek. Jean-Paul Houd serait un bon sports geek, on je peut pense dire. Jean-Paul Houd serait le meilleur sports geek que je connais. Québécois, tu sais quoi, ça c'est sûr, j'en connais pas d'autres. Là. Il y en a peut-être. Non, pour vrai, honnêtement, ce gars-là, c'est un encyclopédie du sport pas mal. Ben ouais. Puis quand on parle de sport, on parle pas de golf parce que ça, c'est pas un sport. C'est un passe-temps. Je voulais juste le dire. Non. Pourquoi le golf, c'est pas un sport? Non, ben, on va se dire les vraies choses. Je sais pas. C'est faire 9 trous et aller boire de la bière. Là. Non, pas un sport. Ça, c'est pour comme moi. Dire un peu, là, être un. Comment c'est la course à 100 mètres. Ouais, là, c'est pas de la c'est course. Un sport. Comme que Kenny Powers dirait, moi je joue un vrai fucking sport, je veux pas être le meilleur à faire des exercices. C'est un étirement, un réchauffement, dans le fond. Donc là, cette semaine, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé un peu dans votre entourage? Qu'est-ce qu'on a fait ou des choses comme ça? Milton, toi, je pense que. Ben, en fait, je pense pas, j'étais avec toi. On est allé faire un tour au Comic Con de Montréal en fin de semaine. On a vu les photos. Dimanche, ouais, on était. Ouais. Ben, en tout cas, moi, je suis allé juste dimanche. André, il était là samedi et dimanche. Forever Alone, samedi. Ou t'étais-tu vendredi aussi? Samedi, puis, je suis pas allé vendredi. Non, OK. T'es-tu allé? Non, c'est vrai, t'es pas venu, toi, finalement. Mais non, mais j'étais supposé y aller, mais on a vu l'acheter en main, c'était sold out. On est arrivé là-bas, c'était le bordel, fait qu'on a fait. Up the moi, je travaillais, fait que malheureusement. Mais je regrette beaucoup d'avoir été parce que tout, tu m'as dit, oh mon Dieu, c'est tellement bon. Puis je regrette beaucoup. Mais j'avais eu beaucoup à mal l'année passée de comment c'est organisé. C'était vraiment broche à foin, là. On n'avait aucune idée où aller. Là, on a fait un mais ça s'en va dans une bonne direction, je pense. Mais non, je pense que les années ont beaucoup amélioré ça. Il y a eu un redressement, l'ayant fait le samedi, puis l'ayant fait avec toi l'année passée aussi. Écoute, ça me surprendrait qu'ils nous écoutent. En fait, ça me surprendrait qu'ils nous écoutent pas. Mais les gens qui organisent Montreal Comic Con, chapeau. Honnêtement, vous avez changé d'emplacement pour l'événement. Les files d'attente étaient vraiment minimes. Il y avait de l'espace pour circuler. Les gens mettaient du déodorant cette année. C'était incroyable. À part du déodorant, le fait qu'il y a de l'espace à se promener et les lignes, c'est minime, c'est-tu des bonnes nouvelles, ça? Ou... Non, c'est des très bonnes nouvelles. Parce que l'année passée, regarde, je pense que... Moi, je n'étais pas allé l'année passée. Oh, fait que je peux pas comparer, mais toutes les... Je n'étais jamais allé à Montréal à cause des mauvaises expériences. Invités qui ne m'attiraient pas tant que ça nécessairement. Ouais. Fait que je me dis, ben je vais pas aller payer le gros prix une journée puis je pouvais pas tout le temps des gros trucs. Mais la base d'un Comic-Con, c'est que tu vas là pour l'échange des comics à quelque part. Ben, aussi. Moi, c'est ça. Ouais, cette année, je suis allé. Il y en avait beaucoup. Ben, j'espère. Ben, c'est ça le but, la base d'un Comic-Con. Oui, non, parce que c'est la culture comique puis ça bouge. Ouais, ça, d'accord. Je dirais qu'effectivement, la base, c'était à propos des bandes dessinées. Par contre... Mais l'échange des vieilles BD puis la recherche des revendeurs... Oui, mais ça ne sera pas de l'échange de collection, c'est ça. C'est le son de la BD que tu faisais avant. On s'entend que c'est rendu très commercial. C'est pas... Par contre... Ils chargent le prix des boots au gars, puis il est là pour vendre la BD. J'ai aimé beaucoup aussi la formule cette année, les panels. Il y avait la grosse salle principale pour aller voir William Shatner. Ils sont carrément inspirés par ce qui se passe aux États. Exactement. Qu'est-ce qui est big à Toronto aussi. Par contre, c'était tellement bien organisé que... Regarde, samedi, je suis arrivé là-bas, j'ai fait 15 minutes de line-up pour rentrer, c'était beau. Je suis arrivé, regarde, c'est ouvert à 10h, au public, il n'a pas pris les VIP. Puis, je suis arrivé là-bas, il était peut-être 11h, pas de line-up, rien. L'année d'avant, dimanche avec 3 moi. 3 heures de line-up. Avec toi, en plus, quand on est arrivé dimanche. Il n'y a aucun line-up. Ce qui était bien aussi, c'est que tu as beaucoup de contenu gratuit à l'intérieur. Les gens vont penser qu'il faut payer pour tout. Mais faut payer. Comme ça. Ben, c'était un peu comme ça. Puis... Oui, il faut payer pour les photos, puis oui, il faut payer pour les signatures, puis ça, on en reparlera par après au pire. Mais tous les panels, c'est des conférences dans le fond. Il y a eu des présentations. J'étais allé voir un épisode de Metal Hurlant Chronicles qui n'est pas encore sorti ici, qui sort en France. C'était vraiment génial. Présenté par James Marsters, que tu sais même pas qui est là. Il arrive, il saute sur le stage, je monte même à crier. Puis je connais pas son nom, mais je sais que c'est le gars qui faisait Spike dans Buffy. Mais... Fait que je suis content. Moi, je te remercie de m'avoir amené là, dans le sens que si je serais allé par moi-même, de même, j'aurais sûrement fait le tour des rangées. Puis j'aurais checké le stock, j'aurais fait comme « Ok, c'est beau, je m'achète un t-shirt, une coupe de petites BD, quelque chose. » Puis c'est tout, je serais pas allé, je serais probablement pas nécessairement allé voir une quelqu'un qui parle d'une convention, un panel ou de quoi. Puis encore moins James Marster que je suis allé voir. Puis regarde, j'ai jamais écouté Buffy. Je trouve ça totalement ridicule, là, personnellement. Là, James Marsters, j'aime pas ça. Il aime parler. J'ai aucune idée c'était qui, le gars, sérieusement. Je savais pas qu'il faisait des livres audio. Je savais pas qu'il jouait dans Buffy. Toutes les pièces de théâtre que les madames tripaient dessus puis qui étaient toutes rampes en posant leurs questions devant lui parlaient. J'avais aucune idée c'était quoi. Puis le gars, je le trouvais entertainant. Hey, le pire, là, c'est qu'on a manqué en plus parce que lui, le vendredi soir, ça c'était payant par contre, mais James Marsters faisait un show country. Il chante. Non, mais c'est ça, il y a parlé un peu dans le panneau. La majorité des extras, je m'en suis mordu les doigts, mais le samedi, j'ai fait toute la journée là-bas. Puis c'est vrai, j'étais tout seul. Fait que rendu le soir, un moment donné, Forever Alone, j'aurais pu aller voir la rencontre Generations. Hey, c'était 17$, je pense, les billets, ou 20$ à peu près, Taxon. Puis là, à ce moment-là, sur le même stage, t'as William Shatner puis Patrick Stewart qui est là. Puis ça a l'air même que Malcolm McDonald est venu pour paraît, j'ai entendu ça. Quelque chose comme ça. Puis, parce que Malcolm McDonald était là pour Clockwork Orange puis des choses comme ben, ça. Ben, oublie pas, il était là pour Generations un peu. Ben, c'est là, ça, il était là pour Generations aussi. Il a carrément tué Kirk. Là. Ça avait pas de sens à quel point que je m'en Mais il a tué Kirk. Il est la cause de la mort de Kirk. Ouais. Spoiler, ben je pense qu'on est passé 3 mois. Hein. Ouais, ah, Star Trek Generations, les années 90, le premier film de Next Generation, si vous ne savez pas. Mais ça. Mauvais podcast. En gros, c'était un bon événement, puis c'était facile d'accès, puis c'était pas super cher. Regarde, ma passe de 3 jours m'a coûté 50$. Ouais. 50$, même si je suis pas allé le vendredi, je l'ai rentabilisé. T'arrives à l'intérieur, puis effectivement, comme tu dis, le premier réflexe, tu fais ton premier Comic-Con. Moi, c'était mon deuxième, fait que je savais qu'il y avait un peu d'activité autour, puis je regardais. Mais les gens, bien souvent, dans leur premier Comic-Con, ils vont rentrer, puis ils vont se dire, hey, c'est d'acheter des BD, d'acheter des T-shirts, d'acheter des affaires comme ça. Puis, oui, il y a ça, mais c'est de rencontrer les gens. Hey, je me suis assis à une table le samedi, puis j'arrive avec mon lunch, je suis tout seul, puis là, il y a deux messieurs, on se le cachera pas, ils ont une 50aine d'années, puis ils étaient en train de parler que le gars, il avait téléchargé le trailer de Revolution, qui va jouer à NBC, il l'écoutait, puis telle affaire, puis il jase de ça, puis là, il me demande, hey, toi, c'est quel panel que t'as vu, puis qu'est-ce que t'as... Puis tout le monde est sur le même trip. Mm-hmm. Puis c'est là que j'ai trouvé ça intéressant de voir que Comic-Con comme ça, tu sais, on se dit souvent, tu sais, les geeks, c'est des personnes les moins sociables. Tu sais, les gamers, ça reste à la maison, puis ça fait telle affaire, puis c'était écœurant de voir à quel point, d'un, les commerçants sont capables de mettre sur leur table une statue de 450$, mais pas protéger rien parce qu'ils savent qu'ils ne se font pas voler, parce que le monde sont respectueux. Ouais. De deux, tout le monde se parle, il n'y a pas de problème. Que tu sois une pitoune habillée ou un gars vraiment moins hot et boutonneux toute la vie, tout le monde ensemble. Se jase. Mais ça, je pense que ça a évolué avec le temps, parce que oui, le monde a une bonne idée qu'un geek, c'est un nerd à boutons, tu croches, tu t'intéresses à rien, mais ça a extrêmement évolué, parce que moi, je vais dans les conventions, puis tout le monde te parle, tout le monde vient te voir, hey, salut, c'est cool, j'aime ton chandail, j'aime ci, puis c'est très, très, très... J'ai carrément vécu ce moment-là. Un moment donné, je marchais nowhere, je me fais retenir un peu, il y a un gars et une fille qui viennent me voir, c'est où t'as eu ton chandail? Je l'ai eu de même quand j'ai acheté un jeu. Je m'attendais pas à ça. Là, c'est... je l'ai volé chez Winners, comme tout le monde. Ça, c'est 500$, puis même que je te dirais que c'est beaucoup plus même dégéné, parce que mettons, on parle de Tacuton. Moi, j'étais allée là l'année passée, puis... J'aime ça comment tu dis en français, le Otakuton. Otakuton. Otakuton. Otakuton. OK. Mais non, c'est ça, puis j'étais allée là, puis j'ai cosplayé, oui, je l'avoue. J'ai 26 ans, puis j'ai fait de cosplay, oh. Mais bon... Est-ce que par chance, au Otakuton, il y avait des gars qui avaient apprécié ton cosplay? Mais c'est ça l'affaire, j'en arrivais, là. Je faisais un personnage de One Piece, Boa Hancock, pour ceux qui connaissent. Comment? Boa Hancock? Non, Boa Hancock. OK. Ben. Boa Cock, moi, non. Boa, non, mais. Même Boa Hancock, si tu sais pas ça en 3 mots, ça peut être louche. Oh non, c'est ça. Si tu as la décomposition, ça, tu sais. Quelque chose. Bref. Tu vas là, puis t'as toutes sortes de monde. T'as le nerd à lunettes, le petit gros, t'as le beau gars, t'as la belle fille, puis t'as des méchantes belles filles. Plus de beaux. Il y en a qui sont payés, faut se le dire, par exemple. Il y en a qui sont payés, non? Des sales pitounes, grayées, super en shape. Ah, mais d'un autre côté. Puis, excusez-moi, fallait que je le dise. My God. Puis c'est toi qui le dis, en plus. Mais non, c'est moi qui le dis, je l'avoue. Puis, ça se motorboat, là. Tu le verrais dans le tu la verrais dans la rue, puis jamais tu dirais cette fille-là, est-ce une geek, c'est une nerd. Jamais tu pourrais dire ça, parce qu'elle a l'air totalement d'une fille random et normale. Et normale. Je veux pas utiliser ce mot-là, excusez-moi. Mais elle a l'air vraiment d'une fille que tu dirais jamais, mais cette fille-là, elle trippe sur un médium, elle trippe sur un jeu vidéo. Parce que la question qu'on se posait avec Melter, puis je pense qu'on en a parlé en plus le dimanche quand on était à Comic-Con, puis tu sais, on se disait, tu sais, un moment donné, j'ai dit à Melter, j'ai dit, c'est-tu moi où me semble le cosplay, c'est. Puis je vais sonner détriment, puis j'ai ça, mais il y a beaucoup de popounes. Tu sais, regarde, mettons, ouais. Je serais pas surpris de croiser la fille, là, mettons. T'es où? Je m'en vais au fuzzy. C'est comme Halloween. Il faut que je précise que je l'ai vu une coupe de lettres dimanche. Je veux juste. Non, mais. C'est pas du bon monde, là. Par contre, le point où je voulais en venir, c'est que maintenant, on s'est mis à jaser, puis on s'est dit, penses-tu que le fait. Que les filles spot un moment donné que hey, les gars trippent là-dessus, il y a peut-être de l'attention attention à avoir. Oui, oui, oui, tout à fait. Tout des fait. Filles qui n'ont même pas rien, tu sais, la fille, mettons, là, quand elle est, tu sais, la troll page de Batman pis ouais, Spider-Man, ouais. T'inquiète, tu sais, la fille qui n'en a aucune foutue idée c'est quoi, qui se déguise, par exemple, pour aller là. Puis on s'est posé cette question-là à un moment donné, mais même là, la X-Men, c'est cool. Moi, non, c'est cool. Parce que tout le monde arrive, pis, mais c'est juste que je me suis rendu compte à un moment donné, j'ai fait... T'as peur, là. Ok, j'ai le meilleur exemple pour t'expliquer ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. L'effet G4. On va, je vais, c'est ça exactement. Je vais voir le show de Zelda, l'orchestre symphonique qu'il y avait eu, Symphony of the Goddesses. En tout cas, je vais être ma meilleure amie, tout ça, blablabla. C'est quoi, c'est de la musique de Zelda? Oui, c'est l'orchestre symphonique. C'est, non, c'était malade mental. Oui? C'était malade mental. Moi, j'ai un de mes chums qui est allé aussi. Malade mental. J'étais 6e row, je pense, j'étais vraiment proche. C'était magnifique. Mais larmes aux yeux, en même temps, ceux qui ne connaissaient pas vraiment ça, il y avait en background, et mettons qu'ils jouaient tel jeu, et mettons qu'ils jouaient à Link to the Past, mais tu avais l'histoire au complet qui faisait un résumé pendant qu'ils faisaient les tunes de quel niveau dans le donjon, mais tu es comme y embarqué, parce que c'était vraiment malade. On dirait que la face en l'air est comme, pourquoi je peux aller? En fait, non, honnêtement, je suis sûr que c'est comme Video Game Live. Non, mais je savais que ça vient, mais je vais en Video Games Live. C'est ça, je fais mon coming out, je suis pas un fan de Zelda. Oh, ouais. Flame et moi, puis faites ce que vous voulez dire, mais. Ping. Mais moi, c'est le contraire. J'aime Zelda. Juste, ouais, avant que j'oublie l'histoire, à la fin, on sort avec du monde de cosplay. Bon, il y en a qui étaient habillés en Link, whatever. Il y avait des chapeaux de Link. Bref. Moi, il faut juste dire, je déteste les filles qui cosplayent comme Link parce que Astix en donne des sentiments weird. Ouais, mais attends, la fille, il y avait une invitée justement. C'est une fille qui cosplay Link, puis elle est excellente. Elle est vraiment misogyne. Puis elle s'appelle Pikmin Link, en tout cas, je sais pas. Pikmin Link. Son vrai nom, c'est Pikmin Link. C'est son nom de cosplay, là, de cosplayer. Ok, ouais. Elle est. Pauvre enfant. Tu prends une photo de Link, tu regardes sa face, même shit. Ok, j'ai même mis une photo sur le site du podcast, en tout cas. Ça, pour résumer, c'est pas ça que je voulais venir, mais elle a vraiment un beau cosplay. Ça, pour résumer, à la fin, on sort, il y a une fille qui est déguisée en genre de fée sur le crack, là. Genre des ailes bleues, elle est maquillée comme une vraie whore, genre des dessins de papillons d'en face. Elle tournait autour de toi et elle faisait « Hey, listen! » Ok, mais c'est ça. Je vais la voir, je la regarde. La seule personnage que j'ai en tête, c'est Navi. Ah ouais. Je vais la voir. Vraiment, bitch, je suis désolée, j'ai fait « Wow, vraiment beau ton cosplay. C'est quoi ton cosplay au juste? » Elle dit « Ben, c'est Navi. » Ok. Ok. Elle avait des oreilles des ailes de fils de Dollarama avec une robe genre vraiment courte bleue, déguisée. Elle courait partout. Non. Tu pensais ça? Désolé, Jésus. Mais... Elle était super pauvre. Attends. Là, elle a tout flouvé sur son billet. Toi, t'avais-tu. T'étais-tu déguisée? Non, moi, je suis pas déguisée. Puis t'as jugé, elle, qui a pris le temps de se déguiser? Ouais, je l'ai jugée. Parce que je m'excuse, mais elle avait l'air de se déguiser en fée. À l'Halloween, genre, que je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, il reste du piège, c'est à l'heure de leur amour. Exactement, reste, genre. Moi, j'adore comment est-ce que des femmes interagissent à des situations comme ça. C'est mais ouais, cool. C'est ça. Vous avez le côté bitch. Comme, oh! Ah. En tout cas, bref, ça pour dire, je vais la voir, je lui demande, puis justement, mes amis étaient crampés parce que j'ai vraiment. Oh, je m'excuse, j'étais vraiment comme dans le film Mean Girl. Oh, very nice skirt. Mais c'est vraiment nice que ce soit pour nous, on regarde sa gueule, on le fait. Ah, j'adore, very nice wings. Very nice wings. Le fait qu'on est rendu là, c'est trop hash, là. J'aime ton pink eyeshadow. C'est vraiment comme ça. Mais pour moi, elle ressemblait zéro à ça. Puis j'y parlais, puis à un moment donné, elle est arrivée, elle regarde Link, puis elle fait hey, c'est Zelda. Là, ben, Link, j'ai c'est touché, pas j'ai fait un Twitch, là. Il y a des filles qui sont touchées. Je l'ai regardé, est-ce qu'elle connaît rien? Puis c'est ça qu'on pourrait en venir, que oui, il y a beaucoup de filles qui veulent aller attirer l'attention parce qu'ils savent que les gays qui vont faire des nerdgages, genre « Oh my God, le cosplay, ouais! » Puis capote. Je le sais, parce que j'en ai vu justement, et mon cosplay au Otakuton, je l'ai vécu. J'ai pas nécessairement aimé ça parce que hey, tu prends ta photo, wow, t'es vraiment hot, je peux te toucher, hein? Moi, j'ai pas aimé toucher? Ça. Toucher! Je te jure! Hey, non, mais, point de vue masculin, le gars qui a le guts de venir te dire, je peux-tu toucher? Il est pas si jeune que ça, c'est pour ça que je t'ai dit que ça s'est beaucoup déniaisé, mais des fois d'une façon awkward. Là. Ouais, ouais. Il se dit, si elle s'habille de même, elle doit avoir un petit quelque chose que je peux toucher. Exact. Toucher? Moi, je suis poussé là-dessus. Me semble, puis le pire, c'est que. On s'entend-tu, là, le gars qui a dit ça, là? Hey, ça y a pris du courage. Non, oui, c'est... non c'est même, du pas. Gars, ce gars-là, même pas. Moi, je serais en arrière, je serais comme... Mais je trouve ça. Je m'excuse, mais elle a raison, là, elle a raison. Ouais, non, c'est qui a pas de gêne, ils ont pas de gêne. Le gars, c'est... je m'excuse. Il est complètement déconnecté. Mais elle est cosplay, elle est objet. Non, c'est ça, l'autre chose. En plus, c'est son fantasme de se réaliser. Il y avait Boa Hancock en vrai, en face de lui. Il faut avouer, je l'avoue, j'ai une très grande ressemblance. Boa Hancock, Boa Hancock. En tout cas, mais... Mais, question de même. Oui. Le gars qui vient te voir, puis qui... c'est quoi tu trouves plus malaisant? Le gars qui vient te voir, puis qui dit « Je peux-tu te toucher ou je peux-tu te sentir? » Oh! En fait, le pro va pas avouer qu'il veut sentir. Non, il va le pro va être là. Le pro va être là, puis il va juste sentir. Non, mais c'est ça, mais je te dis, c'est ce genre de gars que C'est le genre de gars qui fait un câlin puis il y a du wood. Étais-tu asiatique? Non, même pas. Ça me surprend pas. Tu sais, c'est vraiment le typique de stéréotype que le monde s'imagine d'un nerd. Petit, boutonnant, gros, cheveux gras. Puis vraiment, ce que tu t'imagines que ce gars-là serait jamais game de rien, mais qu'il est venu voir puis vraiment beau. Mais il est game parce que tu n'existes pas. Mais c'est ça, pour lui, c'est vrai que c'est ça. Là. Il est pas de filtre, il est pas dans son genre. Aucune inhibition. Lui, là, qu'est-ce qu'il discute, là, c'est qu'est-ce qu'il écrit dans un forum. Can I touch you? Mais t'imagines-tu, pareil, t'es dans un club, là, on s'entend, l'autre quand même. Je peux-tu te toucher? T'arrives à la fille, puis pas mal beau ton saut, je peux-tu te toucher? On s'entend-tu que le dormant te sort les pieds par-dessus la tête en premier, puis tu tombes à terre, puis t'es ce gars-là, là, tu te fais jeter dans la ruelle, puis tu dis, wow, t'as peur. C'était flatteur. C'est, non, ça. C'est ça. C'était gentil. Mais c'était ça, gentil. Juste concluer parce que je venais avec un bout avec ça dans le fond. Attendez, j'ai comme oublié pendant 30 secondes. Le cosplay, cock. Attends, cock. Boa, boa. Pendant que tu te touchais, Zelda, bitch. Non, c'est ça, ok. Navi. Mettons que t'avais deux personnages. Admettons que je prends. Je vais prendre un manga que tout le monde connaît, Dragon Ball. T'avais un gars déguisé en Goku, puis t'avais un gars déguisé en Vegeta, ok? C'est quelqu'un qui touchait Vegeta. Qui arrivait, puis qui faisait du fanservice. Fanservice, demander, pour ceux qui ne savent pas fanservice, c'est demander justement un fantasme. Et toi, tu lis le manga, puis tu imagines quelque chose dans ta tête, comme que deux gars sont en couple dans le manga, même si ça n'a aucun fucking rapport. Donc, ils vont voir. On est dans le underworld du cosplay, là. Ouais, non, mais c'est dans beaucoup de le after party, là, avec la KY. Puis... C'est le monde du manga. Le monde qui font des fanfictions dans leur tête, puis qui s'imaginent que tel personnage couche avec lui en cachette derrière le rideau. OK? Fait que c'est comme, je veux dire, un exemple que tout le monde connaît parce que je peux nommer des mangas que personne ne va connaître. Fait que c'est, le gars va voir Goku, puis qui est à côté de Vegeta, puis qui lui dit « Pouvez-vous vous frencher? S'il vous plaît, fan service! » Puis il y a comme une genre de loi dans le monde du cosplay, quand tu demandes fan service, t'es un peu obligé de le dire. Il y a un terme pour ça, je me souviens plus c'est quoi. Mais comme un gars au moins qui se dit. Non, même pas, c'est juste le. Y'a-tu un off sur la table? Non! Je veux dire, là, j'espère que le Underworld paye un Dragon Ball. Regarde, du fan service, check mon billet, il est en polymère, c'est un vrai. Tu vas juste dire fan service à n'importe qui, puis il est supposé de faire ça. C'est ça, là, fan service, cloud, link, 2000$. Non, non, mais attends un peu, là. Je pense que là, ça, ça vient de me sidérer. Ça veut dire que si je me déguise, puis je vais sur ces lieux-là, puis quelqu'un vient me voir, puis hey, excuse, fan service. Je suis obligé de le faire. T'es pas fait. Ben, tu peux refuser, mais. Ben, j'espère. Plus, tu peux refuser. Mais là, t'es outcast cosplayer. Lui, il est plus dans la gang. Ben, bref, fait que là, tu vas voir Vegeta, puis Goku se frencher, puis tout le monde, wouh! C'est comme un peu du. Ayoi. Du voyeurisme? Non, c'est un mot japonais. Hentai? Yaoi, je crois. En tout cas, bref, faudrait que j'en vérifie le mot. Du yaoi, c'est ça, en tout cas, whatever. Le mot mange-tu, ça? Yaoi, c'est justement c'est la fanfiction de deux personnages mâles qui font ça. Ah, ok, j'ai entendu parler par quelqu'un un moment donné de ça. Ouais, un moment donné, Milter, il a entendu parler. Ah, j'ai un ami qui tripe beaucoup. Ben, pas qui tripe. Disons qu'il connaît beaucoup ça, les animés, puis tout, puis il m'avait expliqué un moment donné, genre, les termes, tu sais, un otaku. C'est un fan d'animé. Otaku, je comprends, mais. Mais il y a des termes pour, justement, les. Non, mais otaku, c'est pas dérogatoire. C'est quoi? C'est pas méchant otaku, honnêtement. Moi, j'ai entendu qu'otaku au Japon, c'est. Ouais, le monde. Otaku, c'est. Ouais, t'es un otaku, t'es. Ouais. C'est comme un fan d'animé. C'est comme un blanc qui se prend pour un noir. Tu peux être le seul gars qui dit États-Unis d'Amérique en 2012. Un blanc qui se prend pour un noir. Un wigger. C'est ça. Un wigger. C'est un peu ça. Nous, on rit de ça. Un white chocolate? Non, c'est pas ça, je pense, wigger. C'est quoi, wigger? Un wigger, c'est. Un blanc qui se prend pour un blanc. C'est white nigga. On va pas le cacher, là, c'est ça. C'est weird. Okay. Hey, on a 12 mots proscrits, puis tu viens d'en utiliser au moins un. C'est vrai. Ben. Ah, c'est-tu un mot qu'on peut pas utiliser? Il a dit nigga. Je pense qu'on a pas. Ah ouais, mais je le dis street. Ben, il parlait justement du Mars Bar. Là, j'ai des chums, moi. J'en connais une coupe. J'en connais une coupe, fait que je peux le dire, je pense. Ok, ouais, ok, mais. Moi, je veux la boucle du otaku, là. En gros, fan service. Male on male. C'est ça. J'espère qu'il y a au moins du female on female aussi à quelque part. Ouais, je pense que oui aussi. Parce que ça, d'après moi, ce serait le logical step. Attendez, au Otakuton aussi, il y a des panneaux de yaoi. T'as-tu déjà remarqué? Je le jure. Je le jure. Il y a un invité, il y a un gars, il y a oui, justement, qui en fait comme professionnellement. Là. Je te jure, moi, je capotais, je te suis comme wow. Professionnellement. C'est grave, au Takutan. Mais God, au Takutan, c'est rendu le porn expo, mais comme. Mais moi, qui allais au panneau. Attends, aussi, au Takutan, ce que vous savez pas, c'est que le soir à minuit, il y a des panels de hentai. Ouais. C'est une projection de film de hentai, tout le monde s'assit, puis regarde un hentai en groupe. C'est comme ce qu'on dit là, c'est d'aller à Montréal comme Comic-Con. Et parce pas à Haute-Acoutan, c'est fucking... Déguisez-vous surtout pas si vous allez à Haute-Acoutan, parce que si vous attendez, fan service, vous êtes fait. C'est fini. Moi, je peux-tu dire, par exemple, comme homme de début trentaine qui a été élevé dans le merveilleux monde des jeux vidéo dans mon enfance, où il y avait eu le moment où j'ai juste avoué que j'aimais Zelda, c'était quelque chose de weird à dire au primaire. Tout ce qu'il faut que je dise, c'est que l'histoire que Mel vient de dire, c'est quasiment comme... mon fantasme de 13 ans qui a été réalisé. Ou ce que tu as quelqu'un qui arrive après un gros show orchestral, jamais j'aurais pu m'imaginer que tu as la situation, ce que Mel, elle arrive vers une autre femme, puis elle dit nice, navy suit. Nice, navy suit. Puis que tu as ce moment-là, là, juste si je pouvais voyager dans le temps tout de suite, là, qu'est-ce que je voudrais faire, c'est aller voir Eric, puis dire Eric, un jour, ceci va arriver. Oui. Puis en plus, j'avais la meilleure pour que face. Elle a rien vu. Elle s'est rien rendu compte. Ah, oh, c'est Navi! Nice! Mais ça vient de bord, j'avais mes amis. Oh, mais le pire, c'est qu'elle a comme 50% de la recette pareille. Non, elle était consciente de son propre. Ouais, ouais, mais ça ressemblait pas à Navi! Non, mais on s'entend que dans l'histoire, le fait que Link et Zelda, ça a complètement perdu ça. C'est une poseur, mais c'est fait. Ça, c'est une poseur. Mais elle a stické dans toute l'histoire, elle a juste gardé le nom de la fée et le fait qu'il s'appelle pas Zelda, le bonhomme. Genre, à aucun moment dans... Non, elle a retenu Navi. Dans tout ça, là, c'est ça qui me surprend. Fait que Link, c'est un gars. Link, c'est un gars. OK. Puis si... Parce que lui... Fait que si lui détresse, si lui détresse sa mousse, ça serait du... Si Link serait pour dater Samus, est-ce que ça serait ton affaire de mail on mail, ça, là? Justement, vu un trolling sur 4chan, justement, qui disait, avec l'affaire de dinosaures, qui disait, If Samus was a girl, would she date Link? Ouais, c'est... Ouais. Et comme mind blown. Mais Samus, c'est un robot, fait que c'est pas grave. Wow! Selon les de Nintendo Power... Mais le fusil qu'il porte sur son doigt, son bras, sa main, c'est du... C'est un gant. C'est un gant ou le, est-ce qu'ils l'ont mis... Là, c'est pas comme dans Army of Darkness qui s'est coupé le bras pour se mettre un gant. J'ai utilisé mon titre d'animateur. Animateur qui est un peu en train de perdre le contrôle de son propre émission. De sa propre. En gros, on parlait de Montreal Comic Con, quand t'allais faire un tour, c'était super bien, félicitations aux organisateurs. Takutan, c'est qu'est-ce qu'on fait intéressant à parler d'eux? Il y a beaucoup de situations... je peux-tu faire une parenthèse sur Takutan? Moi, je suis allé avant que le festival ouvre, disons, là, je parlais avec le monde qui organise ça, puis le monde qui vend du stock là-bas, puis j'ai remarqué que pour un festival d'animation japonaise, c'est comme 15 Chinois qui apportent, puis pas un Japonais. Non, il n'y en a pas de japonais en fait, là-bas. Les japonais, ben c'est ça. Les japonais trippent-tu sur l'animation? De un, les japonais sont pas ici. Ouais, mais c'est la population japonaise à Montréal, elle n'est pas énorme. Mais pourquoi que c'est des Chinois qui font ça? Parce que la population chinoise à Montréal, ben ils trippent sur l'asiatique. Je pense que c'est plus asiatique. Ouais, c'est ça. C'est plus vietnamien. Pour la même raison, Fantasia, c'est des films d'horreur. Genre, ouais, OK. C'était ma première expérience d'Otakutan dernièrement, justement, puis j'ai comme resté marqué au manque de japonais dans la place. Les peu de japonais qu'il y a à Montréal sont surtout... Dans les karaokés? Non, même pas ça, c'est encore des vietnamiens. Non, sont rockabilly, je pense, à Star, sont rockabilly, des japonais. C'est pas chinois, c'est des vietnamiens. Ça, c'est un vietnamien qui m'expliquait ça, que les vietnamiens ont dominé, comparé aux chinois, ils ont comme débarqué les chinois du quartier... Chinois, mais bref. Tout pour dire que les japonais sont surtout en restauration ici à Montréal. Pour vrai? Oui. Non mais. Wow. Non mais. Puis ils font pas d'animé. Zéro. C'est encore là. Zéro. Tu sais, pour eux c'est un peu, tu sais, pour nous. Eux autres. Ils lisent trois chaque semaine comme moi je lis. C'est les enfants. Écouter Unité 9, c'est bien plus intéressant pour eux autres que d'écouter leur cartoon. Écouter Unité 9, c'est juste 20% de l'expérience. 80% de l'expérience d'écouter Unité 9, c'est d'en parler sur Twitter. Ouais, ouais, ben oui, c'est ça. C'est comme, t'écoutes l'émission, puis t'as 20% de ton attention dessus. Mais 80% est sur Twitter en train de dire « Mon Dieu, Unité 9, c'est bon. » Ouais, comme un souper presque parfait. Si tu peux pas écouter ça, puis pas être sur Twitter, c'est plate. Ou tu ne peux pas. Juste pas l'écouter, mais je parle, si tu l'écoutes, c'est parce que t'es sur Twitter, comme 80% de Twitter, puis tu sais, tu vois, c'est là qu'on parlait de glace un peu avant le début du podcast. Du podcast? Du podcast? Avant du podcast, on parlait de glace de Microsoft. Oui, tu peux y aller, Mélanie. OK, merci. Donc, on parlait du podcast. Non, on parlait pas de ça. On parlait de glace. De Borderlands? On parlait de glace. Essayez pas de me troller. On parlait de technologie de Microsoft. Attends, Link, c'est une fille? C'est ça, là? Non, OK. OK, bon. Mais gars, j'ai quasiment le goût. Le premier titre, c'est « Garde la première mission, 3 heures, désolé, ça va venir mieux. » Mais le pire, c'est que je pense qu'on bosse le temps d'aplomb. En gros, c'est ça, il parlait de la technologie glace de Microsoft qui était l'intégration d'une tablette ou de ton téléphone intelligent en même temps d'une émission ou quelque chose comme ça. Comme le Wii U que je disais tantôt. Mais exactement. Ça, ouais, okay. Fait que je pense qu'à la limite, l'émission s'est rendue vraiment à 20% de ton temps. 80% de l'expérience, c'est d'en jaser. Hier, je l'ai écouté. Ouais. Déjà en partant, le bragging rights, donc la vantardise de pouvoir dire, moi, je faisais partie de la société hier qui a écouté cette émission-là. Ensuite, c'est d'aller en parler en temps réel. Hey, ça n'a pas de sens. J'ai remarqué, là, la première affaire que le monde faisait en sortant de Dark Knight Rises, quand on était au cinéma, c'est qu'ils ont le générique fait tirer dessus. Part, les lumières ouvrent, tout le monde se regarde, ils font exactement. Hey, on s'est pas fait tirer dessus. J'ai des mauvais goûts. Mais ensuite, c'est que les gens sortent leur téléphone, puis là, c'est la panoplie sur Facebook puis Twitter. Tout le monde en tweet des punch. Puis le pire, c'est là-dedans, c'est que je me suis posé la question à un moment donné, je me suis dit, hey, c'est triste pareil, parce que. Honnêtement, là, moi, je pas ça, c'est de la pub gratis. Non, mais c'est ça que c'est. On là. Est vraiment des moutons, on s'en pire. Hey, c'était vraiment... Ah, mais on veut péter c'est le scoop. C'est l'expérience intécœurante. Moi, je l'ai vu, moi, je suis un individu. Moi, je m'ai pas fait tirer à la fin du film. Non, mais c'est parce que c'est drôle, parce que tu t'embarques dans... Si jamais t'as eu la période dans ta vie où tu as lu 1984, dans les années 80, au début 90, où que l'Internet était même pas... Était là, mais tu savais pas la puissance encore. Puis t'as comme le gouvernement qui va tout savoir qu'est-ce que tu dis. Le gouvernement qui va savoir tout ce que tu fais. Tu fast-forward ça 20 ans après, t'es comme, ben c'est à cause qu'on le dit. Non, mais en fait, tu fast-forward ça 20 ans après, c'est pas le gouvernement, c'est Mark Zuckerberg, c'est tout qu'est-ce que tu non, fais. Mais, non, mais nous-mêmes, non, nous-mêmes, là, on n'a pas besoin de rien, on n'a pas besoin de se faire observer, parce qu'on va le dire par nous-mêmes. Non, mais nobody's watching, you just need to see what you're doing. Hey, j'ai reçu une invitation d'un de mes amis, Patrick, qui me dit... Est-ce qu'on peut connecter sur Google Latitude? Moi, j'ai d'avoir un Android, ça ne fait pas super longtemps. Google Latitude? Latitude, qui est une intégration avec Google Maps. Mais pas Attitude. Non, Latitude. Mais ça se connecte pas automatiquement, l'Android, ça, me semble? Oui, puis non. OK. Ce que j'ai eu peur, par contre, c'est que Latitude, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça dit, en temps réel, t'es où? Est-ce que je veux dire à tout mon entourage, je suis où en temps réel? Mais c'est pas mieux. L'update iOS 6, excusez, j'ai de la misère à vomir. Ah, oh, c'est absent maintenant. Find my friends. Mais ouais, honnêtement, ouais, ça, ouais, j'ai est-ce que j'ai besoin de savoir sont où mes amis en temps réel? Non, mais attends, là, de un, ton latitude que tu parles de, là, il est on tout le temps. Je m'excuse. Non, j'ai désactivé. Mais je pense, je suis même pas sûr que, même si toi tu l'as désactivé, je pense qu'il y a quelque chose dans un accept à un moment de l'activation de ton compte Google qui accepte qu'il y a de quoi qui peut fonctionner dans le background. Je suis correct, j'ai échappé du champagne dessus. Mais je veux juste, parce que t'as déjà remarqué sur Google Maps, par exemple, tu peux voir le trafic. Ouais. Comment est-ce que tu penses qu'ils savent le trafic? Ouais. Les cellulaires qui bougent. Ça, c'est exactement. C'est la nouvelle mode avec Facebook, Twitter, Instagram. C'est la perversité de savoir ce que absolument savoir ce que les autres font. Mais le pire, c'est qu'on veut. C'est ça la chose. On a l'instinct humain de regarder le feu, de l'annoncer, c'est de dire. On veut savoir, il est où, ah, il est là, qu'est-ce qu'il fait, t'es où. Puis moi, je trouve, Find My Friends, je suis sûre que ça va marcher parce que justement, les mondes auront besoin de ça. Ben ouais. Mais imaginez-vous, les couples, qu'est-ce que ça va faire? Non, mais il y a déjà l'effet des couples, c'est déjà ruiné par l'Internet. Mais beaucoup, c'est fort. Tu sais, tu dis, mon chien va savoir où est-ce que je suis à tout moment. Moi, j'ai. Et c'est là, pas t'es là. J'ai vu de quoi une nouvelle dernière Round Chum. Non, mais... je sais, mais tu sais. Laisse ton téléphone chez Paris pendant une semaine. Non, c'est ça. Non, mais même que tu veuilles ou pas, même si t'es parfaitement sain d'esprit, tu vas checker. Non, mais c'est naturel de vouloir savoir ce qui se passe. C'est naturel de faire Chris pour qu'elle est là. Ben, moi, j'ai vu aux nouvelles il y a quelques semaines une caméra Facebook. La caméra Facebook est installée sur des commerces. puis c'est en bêta dans un état américain, genre, là, ou de quoi. Mais ce monde-là, là, dès qu'il rentre dans un tel commerce, la caméra fait un face recognition, puis ça les check-in automatiquement. Wesh. Ouais, ça c'est, ben ça c'est annoncé, c'est ça fait un genre de bêta. Non, mais Minority Report, ils l'avaient. Minority Report, ils l'ont bien réussi. Ça, ouais. Ça c'était un des meilleurs sci-fi loin. Puis c'est un vieux là, ça c'est un Philip K. Dick, si je me trompe pas en plus. Là. Ça c'était du vieux. Philip K. Dick. comme la compagnie qui fait des cartoons. Mais Dick, ça a tout du sens. Mais tu me fais penser un peu aussi. Tu parles de la jalousie et tout ça. Là, j'étais justement dans le maxi hier. Puis il y avait le père qui était en train de faire la grossie avec ses trois enfants. Puis le moment magique pour moi que j'ai trouvé très drôle, c'est le gars qui répond au téléphone. Il dit ouais. Puis après ça, il accroche puis il texte. Puis la petite fille de 5 ans, à qui tu parlais? Puis j'avais pas choix de mettre les deux liens ensemble. C'est comme si c'était à cause de la mère, elle fait ça tout le temps. C'est sûr. c'est clair, la dépression. Oui. C'est sûr. Mais maintenant que, tu sais, on est au courant un peu de Google Latitude, du nouvel update d'iOS 6. I don't care, hein. Je le dis tout de suite, moi, je suis peur de bad guys, là. Oh. Oh ouais, moi. Toi, tu veux pas donner ta location. Non. Moi, je m'en fous un peu. Ouais. Mais le problème, puis ça, c'est quelque chose qu'il parle de dans 1984, justement, c'est qu'il y a une grande majorité de la population qui s'en fout un peu. Je me dis, who cares? Mais moi, l'Internet, pour moi. Me surveiller, je m'en fous. Non, mais c'est encore long. Mettons que tu vas à telle place, un magasin spécifique, juste avant Noël. I don't care. Non, mais ta blonde va savoir ce que t'es. Elle va savoir ce que t'es. Ben, c'est parce que l'affaire qu'il y a, c'est que le monde privé. À quelque part, va devenir qu'est-ce que ça a toujours dû être. Puis c'est dans ta. Ben, je dis pas que ça a toujours dû être ça, mais ton expérience privée, c'est qu'est-ce qui va se passer chez toi. Faut que les gens comprennent. Puis je sais même pas si c'est à cause que je viens. Moi, je viens d'une école vieille de l'Internet. Je l'ai vu venir. Puis je vais toujours m'en rappeler. Mes premières leçons de l'ordinateur, c'était de des gars craqués à la fin des années 80, les amis de mon père, parce que j'apprenais comment ce que MS-DOS fonctionnait. Puis même eux, avec l'Internet qui commençait, ils voulaient rien savoir de mettre leur information en ligne parce qu'ils étaient comme, regarde, la minute que tu fais ça, c'est fini. Ouais. Tu peux pas, ça là, ça Facebook, c'est done. Mais je suis d'accord avec toi. C'est là à jamais. Tu mais tout ça, moi, tout ce que je veux c'est dire là-dedans, par exemple. Pour ça, je dis plein de merde sur Facebook. Moi. Mais c'est ça. C'est comme ça qu'aujourd'hui, tu te retrouves sur un podcast. Ben, entre autres. J'ai choisi. Dis tellement de merde de même. Puis tout, à un moment donné, le monde, il faut qu'il fasse comme OK, gars, faut en laisser un moment donné passer. Là, ça n'a plus de sens. Puis. Mais moi, j'ai juste complètement déconnecté de ça. Tout ce que je sais, c'est qu'à chaque jour, je vois mon cousin, mes deux cousins, 17-18 ans, que je connais depuis qu'ils sont hauts de même, j'ai pu voir leur évolution en ligne de ce Facebook et tout. Et tout ce que je peux dire, c'est Christy, mal, je suis content que j'ai pas eu ça, cette loupe-là dans ma vie de jeunesse. Parce que je trouve. Puis c'est ça, le privé, ça devient toi, ça devient le moment où ce que tu dis, OK, on invite des amis en famille, on bouffe une bouteille de vin. La valeur d'être là à dire des choses face à face, c'est ça le real deal. Il aurait pas fallu que j'aille ligne, Facebook, là, moi, dans le temps. Du non-point privacy. Là. Sauf que quand tu t'es rendu, par contre, que... Prends pour un exemple, moi, la crainte que j'ai eue quand j'ai vu cette application-là, c'est le fait que, quand j'arrive chez nous, là, cette maudite application-là, elle publicise j'habite où à tout le monde. Ouais. T'as peur qu'elle annonce quand tu te masturbes. Non, ça, je suis 100% avec ça. Il se check-in lui-même sur Foursquare. Il se check-in chez nous, gars. Fab time. Non, mais écoute. Le pénis dans ma main. Ce que j'ai peur, je mets des photos sur Instagram. Je me tiens le boa. Reddit. Boa. Ce que je veux dire avec ça, c'est tout simplement, c'est que déjà, t'as des gens qui sont un peu moins habiles avec la technologie. Qui se retrouve, qui laisse un numéro de téléphone sur Facebook. Puis ces gens-là, ils ne maîtrisent pas la technologie. Puis d'un autre côté, le nombre de personnes qui ont acheté des Android puis qui n'ont pas été dans les fonctions pour désactiver l'attitude, désactiver. Parce qu'ils ne savent pas. Ça dit exactement t'es où. Mais au moins, tu sais, quand tu descends le pont de Laval. Là, mais... Ah oui, mais c'est sûr. Moi, tu passes, t'es rendu à Laval. Je suis Lavalois, je m'excuse. T'arrives là-bas, ben, tu sais que t'es où. Tu sais, c'est chez André. Tu sais, il n'y en a pas de problème. Sauf d'un autre côté, j'ai vraiment une crainte là-dessus, c'est que cette information-là, là, moi je m'en fous, il n'y a pas de problème, mais mettons la fille que j'ai datée en 2004, puis que je n'y avais pas acheté des fleurs, puis que depuis ce temps-là, mais elle se coupe avec un couteau de cuisine. Ou qu'elle t'a pas qu'elle scratche mon char. La IMO, là. Ou qu'elle scratche mon char, ou. Merci de me rappeler cette question. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, imagine-toi que tu sais pas qui a accès à cette information-là. Non, c'est la seule affaire qui me fait peur. Ouais, mais moi, sur Facebook, à part de mes amis proches, moi, c'est déjà toute l'information personnelle est quasiment pas disponible. Mais c'est ça, mais toi, t'es averti là-dessus, sauf que tu vois, moi, c'est qu'il a fallu que quelqu'un m'envoie une croisade de... Mais il a fallu que quelqu'un m'envoie une invitation pour que je découvre que, ah tiens, l'attitude est sur mon téléphone et il est actif en plus. Parce que par défaut, c'est actif. Dude, pourquoi tu penses que Google sont tellement cool pis gentils? Ouais. Ils ont toutes les informations. C'est les pires. Le Google, là, c'est les pires. C'est pour ça qu'ils nous donnent des petits jeux à jouer à tous les jours, dépendant de l'affaire. Puis de mettre ça cool, Google, puis de mettre ça le fun. Google, dans le fond, là, c'est Skynet. Je pense pas que c'est Skynet, mais je pense que la minute que le gouvernement. Quand Google va acheter Facebook, là, ça va être Skynet. Là, il va falloir se poser des questions. Skynet s'en vient. Mais l'affaire qu'il y a, c'est parce que je veux pas embarquer dans les trous, les folies politiques, tout ça. Mais quand ça vient aux États-Unis, puis leur avancement IT qu'ils ont, il y a toujours des tournures qui pourraient arriver où ce que tout ça, ça devient des instituts fédéraux. Parce que qu'est-ce qui se passe en Chine, tout ça, c'est un genre de capitalisme. Comme un genre de capitalisme social qui est un petit peu à expliquer, mais c'est l'État qui contrôle le capitalisme. Puis il y a un jour qui pourrait arriver où que le switch se fait, puis toutes ces compagnies privées-là. Là, and the worst part de tout ça, c'est que tous nous autres qui sont bien ici avec nos fins du monde, puis nos podcasts, puis nos enregistrements, puis des gens qui sont bien de leur vie, on va s'en calisser. Puis ils vont faire la switch, puis au moins pour le gouvernement, ils vont le connaître. Mais même à ça, qu'est-ce que ça va faire? Il va tellement avoir de monde de toute façon, en même temps ils peuvent pas tout checker, puis on s'entend que le monde qui vont être en train de checker ça, ils vont faire comme tout bon québécois régulier, puis faire un job à 50%, puis ils vont aller faire d'autres choses. Fait que les trois quarts des affaires tu vas faire filmer ou pas ou peu importe, en passant le podcast qu'on fait, ben on supporte moi l'internet, j'ai jamais eu peur. Moi, je mets tout check-in là, j'ai ici, jamais eu peur que l'internet sait qu'est-ce qui c'est de moi. Foursquare, ouais, on sait, on est où présentement. Il y a peut-être du monde dehors. Moi, je suis meilleur d'Aroma au Mans en ce moment. Yes, represent. Puis je suis le maire du Aroma en ce moment, mais je sais que là je vais me faire, en tout cas je m'ai déjà fait, en tout cas il y a un Chris qui est toujours en train de battre. Mais c'est cool, Foursquare. Attends, First World Problem. Vous êtes en train de battre le maire de Foursquare, ouais, First World Problem à son meilleur. Ça donne-tu des rabais? Si t'es le maire, t'as une place. Non. Ça dépend des places. Il y a des places qui jouent avec ça un peu. Au vrai. Ah, oh, ouais, oui, des check-ins qui te donnent des drinks, des choses comme ça. Le concept est magique, là. Mais non, cool. Je connais une place, moi, ils vendent plein de DVD et tout. Puis si tu check-in dans la face du gars, t'as 5%. Si tu prends une photo de toi dans le magasin et t'as posté sur Facebook, puis tu dis, bon, check, je suis dans le magasin au gars, 5% de rabais. C'est sérieux. Je suis sûr que t'es capable d'aider de quoi. C'est un monde-là. Toi, tu te prends en photo. On est ensemble dans le magasin. Tu vois un film, il est malade, il est 4,99. Tu fais waouh, je te prends en photo, puis je te check-in. Ou peu, même si je te check-in pas, je vais prendre la photo de toi qui tiens le DVD, puis dire waouh, cette place-là, c'était carré, 4,99 pour ça. T'as 5% de rabais dessus, fait qu'il te coûte 4,5$. Mais ça, c'est du bon, c'est bon, ça. Mais comment est-ce qu'on est embarqué dans cette discussion-là? On a dérapé. Vraiment. Carrément. Donc, ce qu'il va falloir ajuster tout le monde, je vais avoir. Parlait de Borderlands 2. Ouais, c'est vrai, Borderlands 2. On s'en allait parler de Borderlands 2, qui est sorti cette semaine, effectivement. Donc, plusieurs personnes ont perdu leur vie sociale pour le week-end. Malheureusement, pas moi, mais j'ai monté le niveau une couple de fois. Moi, je vais juste dire, je l'ai acheté. J'ai dit confession, j'ai jamais joué. Non, ben, il est sorti mardi, fait qu'il y a des bonnes chances. Moi, je l'ai acheté et j'ai pas ouvert encore. Fait que j'attends mes vacances. Puis, une autre, j'ai dit, confession, j'ai une crise d'idée, c'est quoi qui se passe dans ce jeu-là? Borderlands? Tu sais, du monde avec un gun en coop. Ça, je pensais, j'ai pas fait du loot. Oui, oui. C'est du monde de niveau. Oui. Puis t'as un high stage. Il y a beaucoup de guns, il paraît. Tu commences dans la neige. En passant, message d'intérêt public. Attends, tu commences dans la neige pour de vrai? Oui, tu commences dans la neige. C'est chiant. Spoiler alert. Je viens de dire, je l'ai acheté, j'ai pas ouvert. Il me dit tout de suite, tu commences dans la neige. Dans Assassin's Creed 4, il paraît que t'es dans une guerre américaine. Hein? Spoilers. C'est 3, en fait. 3? Ah, c'est vrai. Mais message d'intérêt public aux fournisseurs, aux studios et autres. Les tableaux d'hiver puis d'eau, c'est... on n'aime pas ça? Non. C'est Oh, mais non, non, oh, oh, oh, oh. Ok, non, mis à part l'eau. Ultra, Teenage Mutant Ninja Turtles, okay, les niveaux dans Mario sont bons. Mario 64, l'eau, c'était écœurant. Little Mermaid dans Kingdom Hearts. Wow, fait, ok, sacré. Mais ouais. Little Mermaid, Capcom, Super Nintendo, débile. Mario dans l'eau, c'est tout le temps bon. Nintendo, excuse. Ouais. Non, Mario dans l'eau. Attends une seconde. Capcom, Little Mermaid, c'est un esti de bon plateforme. Ok, ok. Mettons, on fait un ratio. C'était dans la même école. Le jeu de Little Mermaid qu'ils ont fait au Nintendo. En passant, dans la même période que le classique Chip and Dale, qui Chip and Dale, c'est que... Bon, ben, c'était le même studio, puis on fait un jeu de Little Mermaid. De bon. Mais comment qu'elle sautait, c'est une mermaid? Non, t'étais dans l'eau tout le temps. Fait que c'est pas un plateforme. Sauf pas du flotte jusqu'à là. Tu fais juste flotter. C'est fake. Bon, fais attention, là. Non, t'étais tout le temps dans l'eau, t'avais des quilles, t'avais des coquilles. Tu jouais avec Sébastien. Jouer comment? Ça bat pas DuckTales. Polochon. C'était quoi ça de Polochon? C'est le poisson jaune. Polochon. Ok, donc Polochon, le poisson jaune. Mais moi, je trouve que le meilleur jeu de Walt Disney, on parle de la petite sirène, ça a été Aladdin. Moi, on bifurque encore. Au Genesis, j'espère. Oh, non, au Super Nintendo. Super Nintendo. Oh, on commence pas ça, vraiment. On commence pas encore. La guerre des consoles. Attends, sérieux, moi, là. Le jeu Aladdin au Super Nintendo versus le jeu Aladdin au Genesis. La seule différence, t'avais une épée. La version de Genesis, t'avais l'or utilisé dans le film. Ooh. Rotoscopé. J'ai puis t'avais les animations. Ben. Puis tu sais quoi, j'ai joué les deux. J'ai joué les deux. Ouais, mais écoute, le jeu fallait que tu sautes, tu utilises ton épée, puis t'as titre. Là. Je veux dire. Non, non, non, non, tu te promenais sur un tapis volant. Ouais, puis aux versions du Super Nintendo, oui, Mode 7, je suis d'accord avec ça. Mais qu'est-ce qui était hot dans la version du Genesis? Puis c'était un jeu de David Perry, c'était un jeu vraiment écœurant. Et c'était un jeu avec l'animation faite à la main. Puis c'était le début de les genres de jeux où ce que t'avais des animations vraiment dessinées. Ça a continué après, là. T'avais Jungle Book qui était fait écœurant comme ça. T'avais le jeu Lion King qui était fait comme ça. Lion King, je dois avouer que c'était quand même. Mais moi, ça, Lion King, c'était le. Ils ont fait j'ai joué Game Gear, moi. Lion King. Je me sens vraiment mal pour toi. Ouais. Game Gear, elle devait avoir des bras, mais ça me semble. C'était ma première console à moi. 35 livres de console. Ouais, attends, j'avais la batterie que tu vissais parce que sinon, si tu jouais juste aux batteries, ça te brûlait ça dans une heure. Fait que t'as acheté la console que tu vissais en arrière puis tu plugais dans le mur parce que c'était rechargeable. Mais c'était ma première console à moi, ça, le Game Gear. Le Game Gear, ça a été le plus gros what the fuck pour mon père. Moi, j'ai aimé ça. Je vous explique, je suis en camping, j'ai un Game Gear, j'ai 5 colors. Oui. Je suis jeune, puis je trip. Mon cousin a un Game Boy. Et wow, parenthèse, Sonic Colors, il était au Game Gear. Non, mais Sonic, il était en couleur, là, c'était le premier. Ok, non, mais parce que je pourrais. Pas Sonic Colors. Okay, ouais. Il y avait un code, tu souviens-tu le code pour choisir ton tableau? Non. Fallait que tu tiennes le piton en diagonale, puis Sonic, il clignait d'un œil. Oui, je puis sais, après, il reclignait deux fois bien vite, puis le deuxième coup qu'il reclignait, là, le troisième au total, fallait que tu payes Select en même temps. Bang! Stage Selection. Tu prends le dernier tableau, puis tu capotes ta vie. Papa confus au camping. André, fais pas de la pêche avec moi. Fait que là, moi, je joue. J'étais pareil. Il arrive, puis il y a un Game Boy, puis il joue, il n'y a pas de couleur, c'est quatre fois moins pesant, ça gruge bien moins de batterie, puis t'inquiète. Ça coûte moins cher, puis. Comme déçu de mon Game Gear, mon père est là. Fait, les graphiques étaient. De quoi tu capotes là? Il y a des couleurs, c'est que le son est malade, pis. Ouais, il n'y a pas de Tetris. Oh, mais le jeu, il dit, y a Columns! Non. Sais-tu quoi? J'ai entendu une couple d'histoires, tu me parlais de tes expériences gaming avec ton père, là, mais je pense que ton père était pas mal branché dans le gaming pour toi. Ouais, hein? T'as quand même cool. Mon père, là, c'était le genre de gars que quand j'étais jeune et je jouais à Punch-Out, je vais faire un gros coming out là. Je serais pas capable de battre Piston Honda. Ouf. Je battais tous les autres, mais Piston Honda, j'étais pas. Oh, mais c'est quoi, numéro 4 ça? C'est le troisième. Première non, fois que tu l'as battu. Ouais, mais tu l'as repogné plus tard aussi. Non, non, non, la première version. Premier shot, je me faisais rincer à tous les shots. J'étais juste en cap et. Ah! Il descend en bas. Qu'est-ce qu'il y a? Pas capable de battre Piston Honda. Ah! Il sacré une volée en comme 30 secondes et remontant en haut. C'est jusqu'à temps que ben, en tout cas le Diana en fait, sur le front tu l'avais compris à ce jour je l'ai jamais battu. Ben là on va régler ça très vite là, si tu veux là, moi avec plaisir là, on peut faire ça, c'est pas compliqué puis ça marche pas bien sa radio mais t'attends qu'il shake la tête. Mais moi anecdote semblable là, ma tante elle faisait le code des le Konami code là, de 30 vies, 33 vies de contrat là. Mais moi je jouais avec mon petit cousin là, puis chez eux j'y allais, lui il avait contrat, moi je l'avais pas. Puis quand j'allais chez mon petit cousin, puis là c'était lui, maman, peux-tu venir faire le code? Faut que là, sa mère arrivait, à ma tante classique là, des années 80, elle arrivait à pogner la manette, tu sais. Les jeans jamais, montés, jamais qu'elle a joué un jeu de même, mais elle savait le code par cœur, tac, tac, tac, tac, tac, pouf, elle paye une piton. Ah ouais, elle l'a. On en a pour une couple d'heures à jouer sans agacer. Tout. Toutes les fois qu'on a essayé de le faire, c'était un jeu-là avec trois vies, on est mort avant la fin du premier tableau, mais elle faisait le code, on jouait. Moi, c'était mon finissait. Frère, j'appelais. Maxime! Puis il venait. Puis il me passait le boss que j'étais pas capable, que j'avais peur de battre, parce que j'avais peur de. Comme la première fois que je jouais à Resident Evil 1. Tu stresses pour rien. Je capotais, j'étais à côté de lui. J'étais en panique totale. T'avais quel âge? Il passait à ma lettre et je criais au meurtre. J'allais avoir 7-8 ans. J'avoue. J'avais la chienne de ma vie. Il si je ne me trompe pas, ça avait un des premiers M-rating, ça là. Je ne l'ai pas joué. Je pense que Resident Evil, c'est un M-rated, ça. C'était après les classifications. Tu ouvrais la porte, t'avais les portes. Ben, comment tu fais Resident Evil, contour noir, porte qui ouvre. Tu rentrais, puis il y a un zombie qui arrive en courant. Je garage à mettre. Le premier zombie, là, il y a quelque chose. Dans le premier Resident Evil. Non, mais quand tu le vois, mais tu veux dire après le dining hall, ouais, là, mais tu rentres dans le premier couloir, puis là, tu as la cinématique. Là. Avez-vous déjà tout fait la même. Moi, dans mes premières expériences de Resident Evil, de même, tu es dans le dining hall, tu checkes tout, tu fais le tour de la table 20 fois parce que tu prends toutes les maudites boîtes autour pour s'élever, puis ces cossins-là, puis tout. Puis là, on sait tout. Quand tu rentres, le feu aussi. Quand tu rentres dans l'autre salle, il y a le zombie, tu as le corridor en L, nanana. Puis là, on s'est tout dit. Maudit que je t'ai carré de mourir avec ce zombie-là. Fait que quand t'es dans le hall principal, tu dis je vais aller de l'autre bord. Puis là, tu montes de l'autre bord, là. Puis là, il y a le chien. J'ai jamais fait ça. Il y a un Hellhound, je pense qu'ils appellent, là. Ou de quoi? Il y a un maudit chien qui arrive. Puis ouais, mais le terme fait. Tu marches de reculons. Ouais, parce mais. Parce que le chien passait au travers de la fenêtre, puis t'étais devant, tu le shootais. Ben. Pareil, tu viens de capoter ta vie parce qu'il y a un asti de zombie que t'es pas capable de tuer, puis ça fait 8 fois que t'essayes, puis c'est 8 fois que tu recommences l'heure au complet avant ça, genre. Ah, ouais, mais là, tu dis, je vais prendre l'autre chemin, il y a un chien 4 fois plus dur. En fait, il saute de bord en bord, t'essaies de te revirer, t'es comme un tank. Fait que le temps que tu te revires au complet, lui, il a le temps de te sauter 3 fois de chaque fois. En fait, mais moi, ce que je me sens, c'est que je voyais zombie, la première fois que j'ai vu, j'ai crié au monde. Je paniquais, j'ai couru, j'ai sorti, j'étais retourné dans la salle à dîner. Il me semble que mes partners l'ont tué, quelque chose de même. Ouais, Barry, tu sais. C'est ça. Parce que j'avais 3 chiennes. T'avais un partner? Barry, t'attends. Mais ça dépend, si tu jouais avec Chris, t'avais pas de partner. Si tu jouais avec Jill, c'est ça. Tu revenais, puis Barry... Fait que j'ai traîné en avant. Moi, j'ai traîné en avant. Avant de moi, j'ai manqué des bouts dans le jeu. Master of Lockpicking avec le super meilleur voice acting au monde. C'est peut-être pour ça que j'aime pas Resident Evil jusqu'à ce jour. J'ai eu une tellement mauvaise expérience avec les gens 3 premiers. À cause mais... du chien, surtout à cause du chien. T'avais-tu joué le premier Resident Evil quand il est sorti? Le premier, je l'ai fait quand il est sorti. Puis à cause du zombie puis du chien qui me tuait à toute fois, j'étais comme, il y a 2 chemins. Okay, ben de je un, le zombie, on s'entend, là, c'est 2-3 balles, il est mort. Tu apprends comment est-ce que Star est dans la merde et l'histoire commence. Je m'ai pas rendu là. Okay, ben, on s'entend que c'est 5 minutes du jeu. Mais j'ai redécouvert Resident Evil au GameCube quand tu pouvais jouer à 4. Puis avec c'est quoi le 5 qui est sorti au Xbox? Ouais. Ça, je l'ai bien aimé, mais là, j'ai redécouvert ça avec ça. Puis en même temps qu'il y a plein de monde, ils disaient c'est de la mort, Resident Evil 5. Moi, j'étais comme ben non, c'est super bon. Le gros gars, il rentre dans la maison, tu le gagnes, c'est cool. Ça va bien, tu peux réussir. Pas comme le premier Resident Evil, c'était un bot comme random, blockbuster. Avec mon buddy, on loue un jeu. C'est quoi ça, Resident Evil? On regarde toutes les autres options. Moi, avec, quand j'ai joué là, on voit fois. Encore, c'est quoi ça, Resident Evil? Aucune idée, c'est quoi. Ouais, ouais ça a l'air super cheap, puis c'est Capcom. Puis je m'en rappelle, je dis, ben, Capcom, ils ont fait Street Fighter. c'est on fait Mega Man. Ils ont fait Mega Man. Alright, on va le prendre. T'sais, pis on s'entend que la sélection de PS1 en 96, là, c'était pas exceptionnel. Ah, c'était des grosses boîtes. Il vient dans Velcro. Puis je vais toujours me rappeler le Met. J'étais encore dans mon mode. Holy shit, c'est des films dans mes jeux vidéo. C'est du vrai monde. Ouais. Fait que je regarde le film au complet, puis on est comme, wow, c'est quoi ça? Encounters avec Tia Career. Hey, je l'aime au 3DO. Moi, j'ai joué au PC, par exemple. Mais cela dit, le Resident Evil, je me rappelle, mon premier flash, c'était fuck. C'est Alone in the Dark, mais avec des beaux graphiques. Puis là, j'étais comme, nice, c'est un bon Alone in the Dark. Puis on commence le jeu, puis je te jure, le premier soir qu'on a joué, on l'a fait, là. J'ai jamais eu une soirée de gaming comme ça en chum. Ou ce que, ben, je n'ai eu d'autres, mais celle-là était bonne en crise, là. Je me rappelle, là, rendu là, à 4h du matin, là, on est rendu dans le base en dessous, là, puis il y a des sharks dans l'eau, puis je suis comme, holy fuck, qu'est-ce qui se passe ici? Samuel Jackson arrive out of nowhere. Il se fait manger tout de suite. Hey, Blue Seas! Moi, mes soirées de gaming que je me suis mis là. The best death ever. J'ai joué jusqu'à 4h du matin un moment donné avec un de mes chums à Bubble. Honest, faut le faire, oh là. My God. Faut le faire, là. Tu fais juste cracher des ballons, t'essaies de monter dessus, pogner vos du fruit, pis tout. Mais ça, Bomberman, ça à l'arcade, on passait des heures à jouer. On était une gang d'amis, on l'avait dénoncé sur Virtual Console, sur le Wii, pis on a joué. Bomberman. Gros cash, t'es va chier! J'ai tellement joué au 360. Lolo, non, pas pour moi, mais c'était fait Lolo. Lolo, c'est quoi dans les villes, là? Tu te fais des villes, pis des... Bomberman, TurboGrafx-16. Oui, TurboGrafx-16. Il était là, on avait déjà sur le Wii. C'est ça, c'est mais moi, je le jouais là, avec 4 manettes. Et on s'aillissait à la fin. Est-ce qu'on s'aillissait? Oh, mon Dieu, arrête de me faire sauter. Je suis curé, il n'aurait pas m'attiré. Je sais qu'on dérape, André. Mesdames et messieurs, on dérape. On a dérapé encore. On est rendu à l'étape finale. OK. Déjà. On est rendu... S'il y a quelqu'un qui s'est rendu loin de même, là, on est désolé. Il y a beaucoup de dérapages, on est correct quand même. Ouais. On est rendu à l'étape de la manette dorée. Ouais, ben explique donc le concept original, puis si on est rendu là. Manette dorée. Moi, je te suggère sur la page web, là, tu fais juste marquer genre les 4 étapes, les 4 sujets, après ça, tu mets ça en ligne. Donc, la manette dorée, en quoi ça consiste? C'est qu'on a tout simplement une manette qu'on va piger une personne qui va être le premier à l'utiliser. C'est on a choisi un épisode sujet du podcast. À chaque épisode, on va remettre la manette à quelqu'un. Cette manette-là vient carrément avec quelque chose qu'on doit soit lire, soit écouter. Un clip YouTube, un film, un extrait d'un roman, on va s'en tenir à peut-être un chapitre parce qu'on veut pas non plus tuer la personne. Ben, dépendant, s'il aime ça, s'il est intéressé. Le but de ça, c'est soit faire découvrir des nouvelles choses. Moi, le roman, moi, je game pour que ça soit au complet, mais ça se peut que ça soit quand j'ai fait le monde dans le corps, mais c'est un autre fois, ouais. Ben, encore, si t'es vraiment pas capable de carré total, lis-les pas toutes, puis compte-nous qu'est-ce que tu... Mais c'est parce que il n'y a pas l'autre étape après ça. Que ça va être intense, mais il n'y a pas l'étape après où ce que tu disais que si on le fait pas, c'est... Il y a des conséquences. C'est ça, ouais. Donc à ce moment-là, la personne qui se voit remettre la manette et le truc à écouter se doit de soit l'écouter, le lire ou autre. Si c'est pas fait lors de l'épisode prochain du podcast, il y a une conséquence. Et cette conséquence est à la discrétion de la personne qui a remis la manette. On a pigé avant l'épisode. Et cette semaine, c'est Milter qui remet la manette dorée. Bon. Ah, puis il la ramène n'importe qui? Puis Milter, présentement, pour aider les gens qui nous écoutent, a carte blanche. Donc, lui, il a été pigé. C'est lui qui ouvre le bal. Donc, il y a une manette dorée qui remet à quelqu'un de son choix avec un item à écouter, à lire ou autre, de son choix. Donc, Milter, tu peux prendre le micro et tu peux décider qui tu bénéficies cette semaine ou tu poires, tout selon. Ben, j'ai pas pensé à qui vraiment le donner. Je pensais que peut-être je l'aurais pigé ou de quoi de même. Faut que tu choisisses à qui tu le donnes avant de nous dévoiler c'est quoi. C'est bon. Ben, de base, je vais le donner à Eric pour commencer. Je suis vraiment content, je me sens comme j'ai gagné un tirage au hasard. En plus, là, c'est faut que tu sois content. Je l'ai pas ouvert encore. Gars, je m'excuse, je l'ai même pas vu, mais je suis déjà excité en crise. Le DVD, il est neuf. Big Man Japan. Il s'appelle Big Man Japan. J'ai vraiment aucune idée c'est quoi. Puis m'a compté comment que j'ai eu ça. Parce que c'est à moi, là, ça m'appartient pour de vrai. Je l'ai pas loué, je viens pas juste de l'acheter. Ça fait au moins un an que c'est dans ma collection. J'étais un grand fan de Samurai Cop, fait que t'es tombé sur le bon gars. Ça a pas de l'air pareil, je te le dirais. Les gars, encore, excusez-moi parce que. Mais. 1, 2, 3. Okay, là, en gros, avec ça, c'est. Il y a du monde qui sont venus me voir. Quand, disons que je travaillais dans une place de DVD, il est tombé là-dessus, puis il m'a dit, c'est japonais, ça a de l'air weird, Milter va aimer ça. Fait qu'ils sont venus me voir tout de suite. Ils m'ont dit. Non, non, il n'y a pas. Okay, je pense pas, en tout cas, qu'il y a du porn. Pas. De... C'est PG-13. Fait que non. C'est pas spé. Mais en tout cas, ça s'appelle Big Man Japan. Mais c'est de voir les images, je vais te le donner, Eric, pour que tu regardes les images en avant et en arrière. Wow. Ça a juste l'air vraiment, excusez le terme, mais fucking weird. Tout ce que je peux dire tout de suite, c'est que de un, c'est un magnet release, fait que c'est déjà intéressant. Ouais. Mais la manette d'or, on pourrait-tu... Mais en tout cas, ça va arriver des fois, mais pour la première fois, ça a tombé sur un win pour moi. Puis j'ai très hâte d'écouter ça. Donc, ce qui ok, passer... attends une seconde, faut que je décrive un genre de synopsis. Ok, ben je vais dire le synopsis, mais la couverture, synopsis c'est de un, c'est le soleil du Japon en grande évidence. Il y a un japonais genre slash Samoan. Il y a des cheveux dans les airs. Il y a des cheveux dans les airs à la style. Un peu, là. Ouais, c'est Japanese version Samoan Japanese. Il y a des tatous. Il y a des tatous, il y a des bébites vraiment fuckées. Comme genre un extraterrestre, genre, what the fuck? En haut à gauche, il y a un œil. Si tu check en arrière, il y a comme un bébé chinois avec une tête géante. Wow! Bébé japonais. Bébé japonais. Wow. Oh, wow. Ok, synopsis it is. Ah, oh, puis j'adore lire des synopsis comme ça. De un, le New York Press, il a décidé de dire one of the most thoughtful and funny superhero films for adults. Ok. PG-13 for okay. Adults, parce qu'on sait qu'au Japon, les adultes ont 13 ans. C'est... Quand tu rêves d'aller à Disneyland, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu cadres pas mal dans cette catégorie. Je dois spécifier que même s'il est bien scellé comme ça, pour une raison ou une autre, ça dit « previously viewed », fait que ça, c'est weird. Sûrement par un Japonais. C'est un Magnolia release aussi, fait que... La même maison de ben en tout cas Magnolia a fait bien des bons films. Big Man Japan is an outrageous portrayal of an original superhero. As Big Man Japan, Daisato inherited the role of defending Japan against a host of bizarre monsters. STC winning. Summer Ultraman. Oh my god, man. He receives high voltage electrical shocks which transform him into stocky stick-wielding giant several stories high. However, where his predecessors were revered as natural... Ouais, c'est ça. Dans le fond, référence à des Godzilla, etc. He is an outcast among the citizens he protects. Alors, si je vois juste par le synopsis, on s'entend que les Japonais sont des gros tripeux des surhumains puis des grosses bébites qui les protègent de des bombes nucléaires. C'est culturel quand tu manges deux bombes nucléaires à sa tête. Ça ici c'est genre ça a une comédie un petit peu de ça là, genre de dude qui est mal apprécié de tout ça. C'est comme un Godzilla mais au lieu d'être un gros lézard c'est un japonais 45 ans avec une bédaine c'est Kim Jong-il qui est... genre en fait avec un épée et des tatous. Wow, en tout cas c'est quasiment en tout cas wow. Ce qui est excellent avec ça Eric c'est que cette semaine, toi, tu vas nous écouter ça. Avec plaisir. Puis... Le pire, là, c'est avec complètement de plaisir. Oh, ouais. Dans deux semaines, tu vas nous expliquer ton expérience avec Big Man Japan. J'ai déjà un sentiment que je vais la recommander. Mais... Non seulement tu vas écouter Big Man Japan, mais tu as deux semaines pour trouver à qui et quoi. Parce que ça va être à ton tour dans deux semaines d'offrir la manette dorée à quelqu'un. La manette qui vient, bien sûr, avec un livre... film, avec plaisir. Musique, n'importe quoi. Donc, si tu ne l'écoutes pas ou tu ne le finis pas au complet, bien sûr, on n'a aucune manière de le juger à part de poser un pop quiz. Même Milton ne l'a pas vu. Je ne l'ai même pas écouté encore. Donc, on n'a aucun moyen de juger. Donc, j'ai tellement de films pas écoutés. Il y a une conséquence qui se rattache à ça. Que je vous avise tout de suite, ne va pas arriver, mais continue. Excellent. Donc, c'est le concept de la manette dorée. Moi, je pense qu'il va l'écouter en arrivant à soir. Il va se coucher à 4h du matin. Il va l'écouter même, deux fois. Je suis le plus gros fanatique de films poche qui existe. C'est pour ça que je te le donne. Donc, en gros, ça met pas mal fin au premier épisode du collectif. La conséquence, on l'apprend juste après? La conséquence, on l'apprend quand tu l'apprends, mon homme. OK, mais en tout cas, il n'y en aurait pas de conséquence. Si t'en as pas, parce qu'on veut pas gaspiller des bonnes conséquences dans le vide. Mais non, c'est ça. On regarde les bonnes conséquences quand même. J'avise qu'un des monstres que tu vois en arrière, c'est un dude qui a pas de tête, mais sa tête, c'est un gros œil, puis il tient pour couvrir son pénis en ce moment. My God. Son gros bois. T'as ça chez vous, toi. Ben oui, c'est pas le pire. Depuis plusieurs années. C'est pas, depuis au moins un an. Puis c'est pas le pire. Que... Ouais, mais moi, je l'ai chez nous depuis un an. Parce que c'est ça qui me fait plus peur, là. C'est que c'est un film japonais de 2007. En 2007, il n'y avait pas de censorship, tout. Non, mais c'est même pas une question de censorship. C'est une question qui va avoir du CG. Vraiment poche. Poche. Non, tu veux dire du CG remarquable. Moi, je pense même que... CG remarquable. Je pense que c'est du stop-motion animation de genre de bibitte pâte à modeler avec du CGI d'œil par-dessus la pâte à modeler. Moi, j'avise tout de suite là, que j'ai survie House. House était très survie pour House moi. House MD ou House le film de House? House. Avec Hugh Laurie? La House. Série, ouais. Écoutez, si vous connaissez pas ça, faites juste Google. Mais la série TV House ou le film, là? Horror fantastique okay. Japonais de la fin des années 70. OK. On pensait à la série de Doctors. Moi, j'ai ça ici. Je dérape, là. Puis en tout cas, House MD, c'est fucking bon. Mais ça, c'est en gros. D'autres sujets. House. C'est des braves gens à reprendre leur vie normale. Ça met conclusion. Ça met conclusion, ça se dit-tu, ça? Ben, on vient l'inventer. Ça conclut. Ça conclut le premier épisode du collectif. On vous remercie beaucoup d'avoir participé à nos délires. On vous rappelle de nous suivre sur Twitter, sur @geekcollectif, ou nous rejoindre avec vos commentaires, suggestions ou lettres de menaces au podcast@geekcollectif.com. Merci beaucoup d'avoir partagé ces derniers moments avec nous. On se revoit dans 2 semaines pour le deuxième épisode. Puis on va finir ça quelque chose. Mais moi, je m'en allais juste dire, tant qu'à suivre sur le Geek Collectif, suivez Zombie Milter sur Twitter aussi direct. Bon, ben, je pense que c'est le moment où tout le monde peut faire une blog gratuite. Blog. Montréalien, je suis personne, puis regardez pas mes vieux tweets. Checkez dans mes amis, vous allez trouver ouais, là, son nom bâtard. Tout de suite, parce que la dernière fois que j'ai donné mon opinion sur Twitter, j'ai eu droit à une horde de fâcher parce que j'ai mon opinion politique, donc moi pour les moi j'ai fait mon opinion politique très souvent et moi je me suis fait harceler par une horde de je on le dira pas dire, là, c'est à toi de pas suivre Guilla Lepage toi. Non, non, en fait, on t'aime Guy. Mais non c'est vous ça êtes, j'ai donné mon opinion et il n'y aurait pas fallu parce que je me suis attaqué et harcelé, je vous jure, harcelé. Je me suis fait à l'école, mettons. Bully. Je vous ai intimidé, bullying. Je le jure. C'est de l'intimidation et de l'harcèlement. Je capotais, j'en venais pas, je croyais pas que c'était possible. On va attendre l'histoire. Donc, moi, après pour qu'on l'instant, le micro. Je mourrai. Quand je serai assez populaire et assez cool, je vais partir un Twitter. Page perso. Fait qu'on le dit pas, là, c'est quoi ton nom? Fait qu'on dira pas que c'est la grande geek. C'est ça. C'est toi, là. Pas, là, hein? Ça, mon compte est bloqué. Excellent. Pour moi-même, André, vous pouvez me suivre au @UzumakiQC. Oui, c'est un nom totalement étrange. Sinon, vous pouvez venir nous rejoindre sur Facebook aussi, dans le groupe du Geek Collectif. Déjà très actif. En fait, je pourrais dire que c'est André, t'es un Narutard. C'est pour ça que c'est Uzumaki. Narutard. C'est pas grave, on s'en... On s'en balance! Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le moment de nous écouter. Puis, on se revoit dans 2 semaines. Bonne soirée. Passez une bonne soirée. Ciao. Bonne semaine. Au revoir.